منه فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. في صوت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يكون معنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يشرح صدورنا لدينه عز وجل وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كالعادة كوم دابيتود، مرحبا بكم، je dis beaucoup مرحبا et je dis pas beaucoup حياكم الله، alors que c'est possible de dire les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, où Allah Azza wa Jal lui a ouvert la Mecque, il a pris d'abord une douche, et Fatima, sa fille, radiallahu ta'ala anha, le cachait avec un drap. Ensuite, il a entendu des pas. C'est une femme qui a dit salam alaykum. Il a dit man, qalt ummuhani, qal marhaban bi ummihani, Bukhari, marhaban bi ummihani. C'est pour ça que j'aime beaucoup marhaban. Donc marhaban bikum marra ukhra. Comme d'habitude et comme chaque fois qu'on commence, yani, ceux qui veulent inshallah pour la traduction, ils m'aident inshallah ta'ala. Je leur enlève l'akhar, je leur enlève les points rouges inshallah ta'ala. Pour ne pas oublier, hier je vous avais demandé si c'était possible de me dire comment on dit en arabe haris. Et je vous ai dit à peu près c'est quelqu'un qui veut faire la chose, quelqu'un yani, qui haris. Hein. Je suis allé au dictionnaire, j'ai trouvé soucieux de faire une chose. Si c'est en question d'horaire, on dit ponctuel haris pour les horaires, pour les rendez-vous, c'est un ponctuel. Sinon on dit soucieux, quelqu'un soucieux de faire par exemple ses devoirs ou là d'aller à l'école ou là etc. On avait parlé de la dernière fois. J'oublie quelque chose d'important, ou bien je dis quelque chose à la place d'une chose ou là. Mais inshallah ta'ala, vous devez me le faire remarquer. Hawa alayhi salam, on était arrivé à Hawa alayhi salam wa qissati khalqiha. On avait dit que Hawa alayhi salam, elle a été créée de Adam alayhi salam. Wa ala nabiyyina salatu salam. Et qu'elle a été créée de sous son aisselle, yani la côte la plus haute, al-a'la. On l'appelait Hawa. Pourquoi? C'est la mère de tous les vivants. Hawa min kalimat hayat, c'est la mère de toutes les personnes, c'est la mère de toutes les personnes. Et on avait dit que les hommes par rapport à la création se divisaient en quatre. Il y a ceux qui ont un père et une mère, c'est nous tous. Et il y a ceux qui ont une mère seulement, c'est Isa alayhi wa ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ceux qui n'ont ni père ni mère, c'est Adam alayhi wa sallam. Et il y a ceux qui ont un père seulement. Et il y a ceux qui ont un père seulement, c'est Hawa. Je répète d'une autre façon, c'est mieux. Ceux qui ont un père et une mère, ce sont nous tous. Maintenant, le contraire. Ils n'ont ni père ni mère. Adam alayhi salam. Maintenant, ils ont une mère seulement. Isa alayhi salam. Maintenant, ils ont un père seulement. C'est Hawa alayhi salam. Ensuite, on a vu dire qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Istansu bin nisa'i khayran. Je vous recommande d'être bien avec les femmes. D'être bien avec les femmes. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجٍ. Et la femme a été créée d'une côte tordue. D'une côte tordue. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلَعِ أَعْلَهِ. Et la chose la plus tordue dans la côte, c'est le plus haut, le côté haut. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Si tu veux essayer la côte qui est tordue, tu veux la rendre droite, tu vas la casser. Car Allah Azza wa Jalla a créé la côte tordue. Il est impossible que tu la rendes droite comme une règle. C'est impossible ça. Donc si tu veux la forcer pour qu'elle soit droite, elle va quoi? Elle va se casser. Dans un autre hadith, il a dit وَكَسْرُهَا تَطْلِقُهَا. Si tu veux la redresser, tu vas la casser. Et dans un autre hadith, il a dit que si tu veux la redresser, tu vas la casser, il a dit. Et son cassement, c'est quoi? C'est le talaq. Son cassement, c'est le talaq. Et si tu laisses la côte comme ça, elle va rester toute sa vie, cette côte, bien sûr, elle va rester tordue. Et en même temps, il parle de la côte, en même temps, il parle de la femme. Ensuite, il a dit, donc je vous recommande les femmes. Les ulama ont dit qu'en Fath al-Bari, comme Ibn Hajar ala rahmatullah, dans Fath al-Bari, il a dit de ce hadith, on prend que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a averti, il t'a dit que la femme, voilà comment elle a été créée, et donc tu ne peux vivre heureux avec elle qu'en acceptant qu'elle est tordue. Ça veut dire, si toi maintenant tu veux dire à la femme pourquoi tu es tordue, pourquoi tu as ce défaut là ou cet autre défaut, et que pour ce défaut je vais divorcer, ça veut dire que donc toi tu ne veux pas prendre du hadith. Parce que le hadith lui-même t'a dit que Allah Azza wa Jalla l'a créé ainsi. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith, la yafraku mu'minun mu'minatan. Le vrai croyant, un croyant, ne déteste jamais la croyante. Il a dit, fa in karihta minha khuluqan, radita minha akhar. Si tu détestes en elle, par exemple, un défaut ou là un caractère, tu dois yani être réjoui des autres. Voilà. Si tu détestes en elle quelque chose, un défaut, n'oublie pas le contraire des défauts, n'oublie pas les qualités qu'elle a. Voilà. N'oublie pas, si tu détestes en elle un comportement ou un défaut, n'oublie pas les autres qualités. Pourquoi tu vois seulement le défaut? Pourquoi tu vois pas les qualités qu'elle a, qui normalement devraient faire fondre ce défaut? Il fond à l'intérieur de la mer des qualités. Bahar. Elle a yani une mère, une grande mère de qualité. Ensuite, toi, pour un petit défaut, tu veux faire tous les problèmes et tu oublies les autres qualités. Ensuite, que Allah Azza wa Jalla leur a interdit d'approcher un arbre et que l'arbre là, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et que ce n'est pas un arbre. Un arbre, c'est qu'une sorte d'arbre. Quand il a dit n'approchez pas cet arbre, par exemple, c'est, comme j'ai dit la fois passée, par exemple, le pommier. Ça veut dire tous les pommiers. N'approchez pas cet arbre, yani l'oranger, donc tous les orangers. C'est pas cet arbre yani que je vous ai montré et vous pouvez manger d'autres arbres. Là, celui-là, yani tous les arbres dans, yani qui comportent ou là, qui ont le même fruit dedans. Donc, ne mangez pas. Et on a dit que c'était pas très important de savoir quel était l'arbre. Parce que le fait de savoir que c'est un pommier ou là, que ce soit autre chose, ça ne fait pas fortifier ta foi, ou là le fait de ne pas savoir, ça va pas affaiblir ta foi. Ensuite, on avait dit que en état nazel, on avait dit encore autre chose, on avait dit que waswasa lahum ash-shaytan li yubdiya lahum ma wuri anhum min sawatihima wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min khalidin. Le shaytan, bien sûr, il est hasid kabir. Il est envieux. Hein, il n'aime pas comment lui va aller en enfer et Adam et sa femme se trouvent au paradis. Ça, il ne peut pas lui supporter. Le hasid, c'est lui la source la source du hasad. Ah, le hasad, je crois que c'est l'envie, je crois, on dit quelqu'un est envieux là. Le hasad, on a dit que Iblis, là, c'est lui la source de quoi? Du hasad. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que Allah Azza wa Jal ne veut pas que vous mangiez de sa farbe. Vous savez pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas pour que vous ne soyez pas des anges. Vous ne soyez pas des anges et pour que vous ne viviez pas éternellement. Subhanallah al-Azim. Sauf donc le shaitan sait que beaucoup aimeraient vivre éternellement. Beaucoup aimeraient vivre éternellement. Et certains ulama ont dit de ce hadith, qu'est-ce qu'on prend? On prend que l'ange est mieux que l'être humain. Parce que le shaitan a dit à Iblis, a dit à Adam et sa femme, pour que vous ne soyez pas des anges. Ça veut dire, il y a un époux, vous restez dans cette étape et vous ne soyez pas mieux, vous ne soyez pas des anges. Et les ulama ont dit, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la conclusion, l'ange est mieux que l'être humain maintenant dans cette vie. Mais quand il va mourir, l'être humain va être mieux que l'ange. D'ailleurs, c'est les anges qui vont l'aider dans le paradis, etc., etc. Maintenant, l'ange ne fait rien, c'est-à-dire il ne fait pas de péché, etc. Parce qu'il est infaillible, ma'asum. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a aidé, qui l'a créé ainsi. Mais l'homme sera mieux, l'être humain sera mieux. Pourquoi? Parce que au paradis de l'Azza wa Jal, il va lui terminer sa création, il va être dans une création parfaite, etc. Lorsqu'il dit Rabbana timim lana nurana. Donc c'est comme ça qu'a dit Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah, tous ils ont dit que lorsqu'on va aller au paradis, on sera mieux que les anges bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Adam alayhi salam, quand il a mangé, c'est pas parce qu'il a voulu manger, premièrement. Deuxièmement, parce que Shaitan lui a juré d'un jurement qu'il n'avait jamais entendu. Wa qasamahuma inni lakuma min nasihin. Je jure par Allah que je vous veux du bien, que je vous veux la nasiha. Je vous veux, comment on dit la nasiha en français? Je jure par Allah que je veux vous faire une nasiha. C'est-à-dire un conseil. Je jure par Allah que je vous veux un conseil. Jazakumullah khairan. Adam a.s. n'avait jamais entendu auparavant quelqu'un jurer et mentir. Ça l'a étonné. Donc, il a cru. D'emblée, au premier coup, il a cru. Quelqu'un qui jure par Allah que je te veux amener le conseil, subhanallah, mais c'est impossible qu'il mente. Le croyant, quand il lui dit quelque chose sans jurer, on le croit. Comme en croyant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, dans le sahih al-jama de Sheikh al-Albani, il a dit Al-mu'minu gharrun karim. Il a dit, le croyant, gharrun, ça veut dire, on peut lui mentir, on peut quoi, il croit facilement. Pourquoi il a dit karim? Parce qu'il est karim. Parce qu'il n'a pas de souillure dans son cœur. Il n'a pas d'arrière-idée. Il n'a pas de, dès qu'on lui dit quelque chose, muslim, il croit. Pourquoi? Parce que c'est un croyant. Les autres, non. Ce sont comme des shayatins. Tu dis un mot, il fait mille calculs. Le croyant miskin, surtout si tu lui dis Wallah, khalas, tu peux lui faire des milliers de choses. Miskin, hada, le croyant. Ensuite, c'est Hawa, n'a pas de réponse, c'est Hawa qui l'a poussé à manger. Pourquoi? C'est Hawa qui l'a poussé à manger parce que le shaitan a profité d'elle, elle était présente pour yani, l'exciter et l'inciter jusqu'à ce qu'elle mange. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, je l'ai dit la fois passée, il a dit laoula, où est-ce qu'il est le hadith, laoula banu israël lam yakhnuz al-lahm, laoula banu israël lam yakhnuz al-lahm. Ensuite il a dit walawla hawa lam takhun unta zawjaha, walawla hawa lam takhun unta zawjaha. Ça veut dire que si c'était pas banu israël, c'était pas les juifs, la viande serait restée toujours la même chose. Comme je l'ai dit, ça veut dire que tu peux acheter la viande sans la mettre dans le frigo, elle peut rester un mois, deux mois, trois mois, quatre mois au soleil, elle reste la même, elle ne change pas. Mais puisque Allah Azza wa Jal a dit aux Juifs, je vais vous faire descendre une table du ciel, mais à condition que vous, vous m'avez dit le mot à propos si j'ai oublié, à condition de ne pas cracher, c'est pas cracher exactement, yani à condition de, yani, donnez-moi le mot adaf, yani vous mangez seulement, vous ne laissez rien pour demain, après-demain, etc. Chaque jour, je vous descends une table du ciel, plein de viande, etc., de fruits, etc., mais à condition de ne pas laisser les choses pour demain et pour après-demain, etc., pour ne pas faire de provisions. Naam, ne rien laisser pour demain, ne pas faire de provisions, vous mangez ce qui descend le même jour. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous, yani, on mange et on cache la viande, on cache 2-3 jours. Quand ils ont caché, Allah Azza wa Jal leur a donné un supplice, aqabahum bimada. Il a fait Allah Azza wa Jal de sorte que la viande ne peut pas tenir un jour ou deux jours sans qu'il y ait le frigo. Voilà, c'est un iqab de Allah Azza wa Jal qu'il avait descendu sur les Juifs, et bien sûr nous encore, nous aussi, on a été touchés par cela. Sinon, yani, on n'aurait pas cela. C'est pour ça que les ulama disent, même les monstres pour la femme, certains ulama s'appuyant sur un hadith sahih disent que elle n'existait pas auparavant chez les femmes. Ensuite, c'est à cause des juifs, comme ça dit le hadith sahih, c'est à cause des juifs et des juives que Allah Azza wa Jal a donné les monstrues aux femmes. Et il y a bien sûr une divergence dans cette question, mais le hadith est sahih, il est chez le Cheikh Al-Albani. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَوْلَا حَوَّا لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا. Et si c'était pas Hawa, une femme n'aurait jamais trompé son mari. Et j'ai bien montré ici que ça veut dire tromper pour ne pas que vous vous trompiez, vous. Hein, j'ai dit que ça veut dire tromper pour ne pas que vous vous trompiez. Ça veut dire que le hadith veut dire ici que si c'était pas Hawa, yani, qui avait poussé Adam alayhi salam à manger, il n'aurait pas mangé. Donc, elle l'a trompé en ce sens. Elle l'a trompé pourquoi? Parce que déjà Iblis l'a trompé, elle croyait qu'elle avait raison, elle commençait à lui dire mange, jusqu'à ce qu'il ait mangé. Donc en ce sens, elle a trompé son mari, bien que elle ne le voulait pas exactement. Dans Fath al-Bari, naam, elle l'a induit en erreur sans qu'elle le veuille, bien sûr. Sans qu'elle le veuille. Elle a dit pourquoi? Parce qu'elle a cru au shaitan. Et parce que le shaitan avait juré par Allah que ce qu'il disait était vrai. Et la femme croit bien plus vite que l'homme. Surtout quand c'est quelque chose, yani, qui fait plaisir. C'est pour ça que Ibn Hajr a dit dans Fath al-Bari, il a dit, je vous dis ce qui est écrit ici, il a dit فَلَا تَكَادُ إِمْرَأَةٌ تَسْلَمْ مِنْ خِيَانَةِ زَوْجِهَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ. Il a dit, et c'est possible qu'il n'y ait pas de femme, yani, qu'il n'y a aucune femme qui ne trompe pas son mari. Il a dit soit en faisant des choses, soit en parlant. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخِيَانَةِ هُنَا ارْتِكَابُ الْفَوَاحِشِ. Et ce n'est pas la tromperie ici, c'est faire la fornication. Là, ce n'est pas cela, bien sûr. حَشَا وَكِلَّا حَشَا. وَلَكِنْ لَمَّا مَالَتْ إِلَى شَهْوَةِ النَّفْسِ. Mais lorsqu'elle a penché vers le désir de l'âme, مِنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ, afin de manger le fruit Ada, وَحَسَّنَتْ ذَلِكَ لِأَدَمْ. Ensuite, elle a embelli pour Adam alayhi salam, lui a dit il faut qu'on mange, etc. Elle lui a embelli cet acte, عُدَّ ذَلِكَ خِيَانَةٌ لَهُ. Donc, de ça, on a dit qu'elle l'a trompé. Donc, cela, c'est pour ça qu'on a dit que elle l'a trompé, et ce n'est pas comme je vous ai dit qu'elle a trompé Adam alayhi salam. Puis il y a une chose très simple. Si elle l'avait trompé, ma'adallah, il n'y a aucun nabi que sa femme a trompé. Si Allah Azza wa Jalla a dit fakhanatahuma, il parlait de Nuh wa Lut alayhi salam, ils ont été trompés, ça veut dire leurs femmes ne sont pas devenues croyantes. C'est la plus grande tromperie. Ça, d'accord. Une femme peut tromper, la femme d'un nabi peut le tromper, ça veut dire ne pas rentrer dans l'islam. Mais tromper par la fornication, jamais Allah Azza wa Jalla ne laisse la femme d'un nabi faire cela. Jamais la juge ne la laisse faire cela. Ensuite, autre chose de très importante. Supposons qu'elle est trompée. Ma'adallahu hacha wa killa. Elle le tromperait avec qui? Il n'y a personne. il y a seulement Adam et il y a le shaitan. Elle va le tromper avec le shaitan, c'est impossible. C'est impossible. Donc avec qui elle va le tromper? Donc le shaitan, c'est quand elle va regretter, etc., c'est son ennemi. Avec qui va-t-elle le tromper? Donc le tromper ici, c'est comme j'ai dit, elle lui a embelli l'acte jusqu'à ce qu'il ait mangé. Jusqu'à ce qu'il ait mangé. Ensuite, j'ai fait une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là. Comme ça, si ça tombe quelque chose dans le contrôle, ils disent Alhamdoulilah, il y a eu la révision. Allez. Ensuite, Adam alayhi salam ou Hawa ont fait le repentir. On fait le repentir. وناداهما ربهما الله عز وجل يزاطلي ألم أنهكم عنكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين ne vous ai-je pas interdit cet arbre ou bien cette sorte de fruit, ne vous ai-je pas dit que le شيطان c'est votre ennemi, ne vous ai-je pas dit cela. قال ils ont dit ربنا ظلمنا أنفسنا, oh Allah on s'est trompé, يعني on s'est trompé, on a fait une faute. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Si tu ne nous pardonnes pas et tu sois miséricordieux envers nous, yani on va aller, yani on va, yani on sera des perdants, on sera de grands perdants. C'est pour ça que les ulama disent, pas seulement les ulama, yani en islam, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas seulement de faire la faute. C'est pas ça seulement qui est grave. Et ce qui est grave, c'est de faire la faute et de ne pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander le pardon. Car les fautes, tout le monde en a fait. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bani Adam khata' wa khayru khata'in at-tawwabun. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith sahih. Il a dit, toutes les personnes, tous les enfants d'Adam, ça veut dire nous tous, khata, on fait des erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui font les erreurs, ce sont ceux qui font le repentir. Voilà. Donc si tu fais une erreur, non, tu as fait une erreur. Quiconque n'en fait pas. Mais après avoir fait l'erreur, tu t'es repenti ou là tu as continué. Non. Kulluna nukhti'o. Lekin ba'd al-khati'a. Hal narji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa natubu ilayh am natamada في الغي وفي المعصية وفي الإثم. هذا أهم شيء. الله عز وجل يقول في القرآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله عز وجل quand il parle des pieux, il a dit les pieux, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. Si le shaitan les touche, par exemple en les rendant énervés, etc., le ghadab, ou quelque chose du shaitan, ils reviennent, ils se souviennent très vite, et voilà qu'ils sont dans le vrai chemin. Donc l'Azza wa Jalla a parlé des pieux, et en même temps il a dit, donc les pieux, c'est possible que le shaitan lui fasse des mouchkilas, des problèmes, et qu'il fasse un péché. Ça arrive à tout le monde. Mais attention, quand il a fait le péché, voilà le signe du menteur et de celui qui est sincère. Le menteur, quand il fait le péché, il dit « Qaddar Allah ma shafa'al, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est difficile, je ne peux pas me retenir, etc. » Et il ne fait pas le repentir. Le croyant, le sincère, quand il fait la faute, il reconnaît, il sent un grand chagrin dans son cœur, il a envie de pleurer, il voit tout noir devant lui, il cherche comment se faire pardonner, il cherche comment se rattraper, il commence à téléphoner aux ulama, commence à poser des questions pour chercher comment arriver à effacer ce qu'il a fait. Voilà le sincère. Et l'autre il dit, oh, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein, je peux pas, c'est difficile, on est dans un moment difficile, on ne peut pas se retenir, etc., etc. Il commence à trouver des excuses. Donc Adam alayhi salam et Hawa se sont trompés et ont reconnu leur faute et ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Comme tous les autres prophètes, comme a dit Moussa alayhi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Zalamtu nafsi faghfirli. Donc même Moussa, même tous les autres prophètes ont dit cela. Pardon, il a dit Rabbi inni qatiltu nafsan. J'ai tué une personne. Donc, Moussa alayhi salam avait tué une personne, comme vous savez dans son récit, et là, ensuite il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, et Allah azza wa jal lui a pardonné bien sûr. Ensuite, je voudrais terminer par une chose, car on n'a pas encore commencé le nouveau. Une chose très importante ici, hein, une chose très importante. Adam alayhi salam et Hawa ont fait une faute. Adam alayhi salam et Hawa ont fait une faute. Ils ont fait une ma'siya. C'est Allah Azzawajal qui a dit dans le Coran. C'est Allah Azzawajal qui a dit dans le Coran. Il a dit wa asa Adamu Rabbahu Farawa. Wa asa Adamu Rabbahu. Son Dieu Allah Farawa. Il s'est trompé. Il est parti dans la faute. Thumma jtabahu Rabbahu Fataba alayhi wa hada. Ensuite, Allah Azzawajal. Lui a pardonné et là l'a fait revenir vers lui. Alhamdulillah. Donc Adam alayhi salam et Hawa ont fait une faute et Iblis a fait une faute. Allah Azza wa Jal a pardonné à Adam et Hawa et n'a pas pardonné à Iblis. Bon, on voudrait savoir pourquoi et on voudrait donner une règle très importante. Premièrement, Adam et Hawa ont demandé Allah Azza wa Jal qui leur pardonne. Iblis a fait le soujoud et il n'a pas fait le soujoud pardon et il n'a pas demandé le pardon. Je ne fais pas le soujoud, je suis mieux que lui. J'ai été créé de feu, il a été créé de terre. Le feu est mieux que la terre, donc en conclusion, pas de soujoud. Même si toi tu me dis soujoud pour toi et Allah, moi je ne le fais pas parce qu'il a le hasad dans le cœur. Il a le hasad dans le cœur. Ensuite, remarquez quelque chose de très important, très très important. C'est que Adam alayhi salam, les ulama disent, le péché, quand on fait le péché, il y a deux sortes. Apprenez cette règle, barakallahu fikoum, elle va beaucoup beaucoup vous aider. Il y a deux sortes quand on fait le péché. Soit, je commence par l'arabe, il y a deux sortes. Il y a tark al-ma'mour et fi'l al-mahdour. Il y a tark al-ma'mour et fi'l al-mahdour. Ou bien, on ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de faire. Ou bien, on ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de faire. Ça, c'est un péché, bien sûr. On ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de faire. Ou bien, la deuxième sorte, on fait ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de ne pas faire. Subhanallah al-Azim. Ou bien, Allah Azza wa Jal, ça veut dire, ou bien, on fait, ou bien on ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal nous dit de faire. Ça s'appelle en arabe, on ne fait pas ce qu'il nous a dit de faire, tark al-ma'mour. Il nous a ordonné de faire des choses, on ne les fait pas. Ça? Ou bien, on fait ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Ça s'appelle fi'l al-mahdour. Je donne d'abord deux exemples et je continue. La première sorte, par exemple, ne pas faire ce qu'il nous a dit de faire. Par exemple, je fais pas la prière. J'ai de l'argent, je vais pas au hajj. Bientôt le ramadan, je le fais pas. C'est quel genre ici? Je ne fais pas ce qu'il a dit de me faire. La deuxième sorte de péché, je fais ce qu'il a dit de ne pas faire. Je vais boire l'alcool, je vais faire des choses avec les femmes. Alors là, j'ai fait ce qu'il a dit de ne pas faire. Maintenant, vous savez, voilà la règle. Quand on ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de faire, c'est plus grave que quand tu fais ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Quand tu ne le fais pas, yani Allah Azza wa Jal t'a dit de faire une chose, tu ne la fais pas. Ça, c'est plus grave que lorsque tu fais quelque chose qu'il t'a dit de ne pas faire. Apprenez cela, barakallahu fikoum, c'est très important. Vous allez voir comment ça va se venir dans les doros, dans les règles. Regardez ici. Allah Azza wa Jal a demandé à Iblis de faire le sujoud. Iblis n'a pas fait ce que Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire. Adam, Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas faire ce que je te dis, ne mange pas de l'arbre. Il a fait ce que Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'il fasse. Il a pardonné à Adam, il n'a pas pardonné à Iblis. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, c'est plus grave que quand tu fais ce qu'il ne t'a pas dit. C'est pour ça que ta'at, les adorations, ça se divise en deux. Ta'at wujudiyya et ta'at adamiyya. toi tu peux pour adorer Allah, tu peux faire des choses, par exemple la prière, aller au hajj, etc., l'aumône, etc., ou bien ne pas faire des choses seulement, ne pas boire, ne pas ceci, ne pas fumer, ne pas l'azul. Qu'est-ce qu'il aime plus? Il aime ce que tu fasses, yani les adorations du sorte de faire, ce n'est pas les adorations de la sorte de laisser les choses. Celui qui fait la prière ça, c'est mieux que celui qui ne boit pas ça. C'est pour ça que quand vous parlez avec des gens, ils vous disent, moi alhamdoulilah, Allah, je ne bois pas le vin, je ne tue personne, je ne fume pas la drogue. La femme elle te dit, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci. Tu lui dis ça, yani huna, tu n'as pas fait ce que Allah Azza wa Jal a dit de ne pas faire, alhamdoulilah. Mais le plus important, c'est que tu fasses ce qu'il a dit de faire. C'est que tu le fasses. Il t'a dit de faire la prière, il t'a dit d'aller au hajj, il t'a dit de faire le karam, ça, tout ça, tu le fais pas. Donc l'adoration du faire, tu la fais pas. Tu parles de l'adoration du laisser. Moi, je fais pas ceci, je fais pas ceci, je fais pas cela. Ensuite, tu fais pas. Tu es un juif gentil. Un juif gentil, il fait pas la prière avec lui, il est gentil. Non, là, je voudrais que tu fasses. C'est pas seulement que tu ne fasses pas. Tu fasses ce qu'il aime. Hein? Quand la femme commence à dire ceci, moi je fais pas ceci, alhamdoulilah, je parle pas sur les gens, je fais pas la médisance, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais pardon, est-ce que c'est ce que tu fais pas, alhamdoulilah? Et tu fais quoi? Allah Azza wa Jalla a demandé de faire les choses. Tu as le djilbab sur toi, tu fais la prière, tu fais pas. Donc, tu nous parles seulement des adorations du laisser, allez, terk, turuk. Allah Azza wa Jalla ne parle pas seulement des turuk, il parle aussi des exécutions, des choses qu'on fait. Naam. L'adoration, il y a exécuter et il y a ne pas faire, ne s'éloigner. Naam, les deux sont des adorations. Mais quand tu fais, c'est mieux que quand tu ne fais pas. C'est pour ça que quand quelqu'un ne fait pas ce que Allah Azza wa Jalla lui a dit de faire, c'est plus grave que de faire ce que Allah Azza wa Jalla a dit de ne pas faire. En ce sens, Allah Azza wa Jalla a pardonné à qui? Alhamdulillah, a pardonné à Adam et Hawa. Il n'a pas pardonné au shaitan, parce que Adam et Hawa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la faute de faire ce que Allah Azza wa Jal a dit de ne pas faire. Et Iblis a fait la faute de ne pas faire ce que Allah Azza wa Jal a dit de faire. Je donne un autre exemple. Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah, dans un de ses livres, j'ai oublié, il a donné 20 ou 30 exemples pour éclaircir cette règle. Aujourd'hui, j'ai essayé de chercher où il a dit ça, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je revienne à mes anciens souvenirs, j'ai oublié. Je vous donne un autre exemple, celui-là de Adam, il est très connu. Il y a un deuxième exemple qui m'est passé par la tête, aussi il est connu. Regardez, cet exemple est très important et il s'applique avec notre règle. Le gouverneur, quand il gouverne et il frappe les gens, il les fouette, il leur prend leur argent, il fait 1000 choses avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit de faire la guerre au gouverneur. Naam. Tu dois patienter. Le hadith est dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari. Il a dit, wa in akhadha malak, même s'il te prend ton argent, wa jalada dhahrak, wa daraba dhahrak. Les takfiriyin, qu'est-ce qu'ils disent, les takfiriyin, takfir? Ils disent, nous on le combat, pourquoi tu le combats? Il a fait ce film, il a voulu faire avec ma femme, il m'a pris de l'argent, il m'a démoli ma maison, il m'a... Naam, donc toi tu veux te venger. Ah, toi si tu n'avais pas fait cela, tu n'aurais rien fait. C'est un bon gouverneur celui-là. C'est un bon gouverneur. Donc tu le détestes à cause que il t'a pris l'argent, etc. Non, c'est pas comme ça l'islam. C'est pas comme ça l'islam. L'islam t'a dit, tu dois patienter, même s'il te prend l'argent, même s'il fait n'importe quoi. Tant qu'il est musulman, il est toujours croyant. Tu dois patienter. Et regardez maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarij, ceux qui ont fait la guerre à Ali et Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma, ceux qui existent maintenant, ceux qui veulent combattre le gouvernement, etc., qu'est-ce qu'il a dit? La in adraktuhum, si je les rencontre, la aqtulannahum qatla ad, wa fi riwaya sahiha qatla mu'ad, qatla afwan, ad wa. J'ai oublié la deuxième parole. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite il a dit dans un autre hadith, si vous les rencontrez, tuez-les, les khawarij, tuez-les, les tkfiriyens, tuez-les, les khawarij. Pourquoi? Il a dit, quiconque les tuera, quiconque les tuera, ils iront en enfer. Le tué ira en enfer. Quiconque on le tuera, les khawarij le tueront, c'est un shahid. Subhanallah al-Azim. Maintenant, on va appliquer la règle. On va appliquer la règle. Le gouvernant, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle sorte de d'adoration, quelle sorte de péché il a fait? Le gouvernant a fait ce que Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas faire. Il a volé de l'argent, il a frappé les gens, il a bu le vin, il a fait des choses, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait ce que Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas faire. Il a fait comme a fait Adam alayhi salam. Il a dit de ne pas manger de l'arbre, il a mangé. Allah Azza wa Jal a dit, ne sois pas injuste, il a été injuste. Ne frappe pas les gens, il a frappé. N'emprisonne pas les gens, il les a emprisonnés. Et les khawaris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait ce que Allah Azza wa Jal a dit de faire. Allah Azza wa Jal a dit, vous devez être avec la jama'a. Vous devez suivre la sunna. Non, ils ont dit, il n'y a pas la jama'a, c'est nous la vraie jama'a. Il n'y a pas la sunna. J'ouvre le Coran, je dispute de ma tête. Comme le bonhomme qui est rentré hier dans la salle. Il a pris, je ne sais pas, quelque chose, il a expliqué le hadith, le Bukhari a expliqué de la tête. Il a dit, voilà, et peut-être qu'il a dit à 1000 personnes avant de venir dans la salle, il a égaré des milliers. Et il a donné une image moche de l'islam. Maintenant, quiconque a entendu de lui qu'on pouvait se marier avec sa mère, il va dire, moi, je n'aime pas l'islam. Se marier avec sa mère, khlas, je ne rentre pas dans l'islam, je vais chez les juifs. Al-Mu'im, les khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne suit pas la sunna. Et ensuite, j'ai dit tout à l'heure, et non, il n'y a pas la jama'a. Il n'y a pas le groupe à suivre la jama'a, il n'y a pas. Donc, parce que le gouverneur a fait ce que Allah Azza wa Jalla n'a pas dit de faire, le prophète Hassan a dit, patientez avec lui, ne lui faites pas la guerre. Et parce que les autres, les khawarij, ils font la prière jour et nuit, le prophète Ali Islam a dit, quand vous les voyez prier, vous vous dites, ma prière ne vaut rien devant leur prière. Quand vous les entendez lire le Coran, vous vous dites, où je suis moi? Il lit jour et nuit, moi je lis une fois par mois le Coran. Et malgré que cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous les rencontrez, vous les rencontriez, tuez-les. Donc chauffe, avec leur salat, avec leur Coran, avec leurs grandes adorations, tuez-les. Et l'autre avec le vin, avec les femmes, avec les dits, patientez avec lui, ne le tuez pas, ne combattez pas. Pourquoi? Parce que le premier, le gouvernant a fait, ou là, son péché était du genre de Adam alayhi salam, et le deuxième, les khawarij, leur péché était du genre de Iblis alayhi la'natullah. Ça c'est une règle très importante, je voudrais que vous la compreniez, ceux qui n'ont pas comprise. Je vais la réexpliquer et la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de donner beaucoup de détails, d'exemples dans ce sens. Et si ça tombe dans le devoir, dans le contrôle, Inch'Allah, vous connaissez maintenant la réponse. Et celle-là, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de choses, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir des choses et vous allez, Inch'Allah Ta'ala, l'appliquer et vous verrez comment qu'elle va vous aider, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est très clair, cher. Naam, Inch'Allah Ta'ala, Zanjabila, c'est très clair pour toi. Je suis sûr que ce n'est pas clair pour quelques-uns. Tu verras après quand on termine, Inch'Allah, qu'il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas compris. Tu vas voir, Inch'Allah. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Khayru yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'ah. Khayru yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'ah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur jour, yani, du monde ou de la vie, c'est quoi? C'est le jour du vendredi. Le meilleur jour où il y a eu le soleil, c'est le jour du vendredi. Pourquoi? Pourquoi c'est le jour du vendredi? Fihi khuliqa Adam. Allah Azza wa Jal a créé Adam le vendredi. Fihi utkhila al-jannah. Allah Azza wa Jal a fait rentrer Adam au paradis le vendredi. Fihi ukhrija minha. Allah Azza wa Jal a fait sortir Adam du paradis vendredi. Fihi tiba alayh, Allah Azza wa Jal a fait le repentir de Adam le vendredi. Wa fihi mata, Adam alayhi salam est mort le vendredi. Wa fihi taqumu as-sa'a, et le jour du jugement dernier, ou le jour de la fin du monde, sera un vendredi. C'est pour ça que le vendredi, c'est très très très important. Très très important. C'est pour ça que, après le Asr, car Allah Azza wa Jal a créé Adam après le Asr, après la prière du Asr le vendredi, il a créé Adam alayhi salam après le Asr. Il y a un hadith aussi qui dit que les invocations, les doigts sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas quand tu es un vendredi et qu'on a fait la prière de l'Asr et qu'il va bientôt faire le Maghreb, il reste une demi-heure ou là, une heure ou là, n'oublie pas inshallah si tu as un doigt de le faire, et n'oubliez pas de me faire un doigt inshallah ta'ala. Ensuite il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai pas ici devant moi mais je viens de me le rappeler, c'est un hadith sahih, je l'ai lu plusieurs fois dans le sahih al-jama' de Cheikh al-Albani, où il est dit que أفضل صلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un vrai hadith, la meilleure salat chez Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure de toutes les salats chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière du vendredi matin, salat al-fajr, avec un groupe jama'a. Quand il dit jama'a, en principe c'est dans la mosquée, s'il parle des hommes bien sûr. Donc vous voyez pourquoi, parce que cette prière c'est un vendredi, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a choisi le vendredi, la prière du vendredi. D'abord il a choisi aussi le jour du vendredi, d'où quoi, d'où l'importance de ce jour qui est azim indallah subhanahu wa ta'ala. La création des créatures a été faite un vendredi, a commencé le monde avec sa première créature, et la fin du monde sera un vendredi. Donc toi, le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dors tranquillement. Mais le jeudi soir, dis-toi peut-être demain, je vais me réveiller sur la fin du monde. À moins que tu aies un peu de haine et tu te dises, mais il y a des grands signes, on ne les a pas encore vus. Les 10 grands signes. Il n'y a pas la fin du monde avant les 10 grands signes. Mais là, on va te répondre aussi que, n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit quoi? Qu'il a dit que les grands signes, dès que l'un des grands signes apparaît, les 9 autres le suivent. Il a dit comme une chaîne. On a une chaîne sur le cou. Quand on enlève la chaîne, et par exemple, on déchire la chaîne, et on laisse ce qu'il y a dans la chaîne tomber. Comment ils vont tomber? Très vite, des perles, non, avec des perles. Maintenant, on va par exemple déchirer de la ficelle ou je ne sais pas quoi, on va laisser tomber les perles. Comment qu'elles vont tomber? Très vite, l'une qui suit l'autre. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se concerne quoi? On se concerne les signes, les 10 grands signes. Ils vont se suivre très très très vite. Ensuite, une chose, sallallahu ta'ala, ou le 2 pour terminer, une chose ou deux pour terminer, où il y a le hadith ici. Naam, l'une après l'autre, naam, l'une après l'autre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, et un hadith sahih, chez Bukhari ou Muslim, il a dit, Hajja Moussa Adam. Moussa alayhi salam a voulu faire un débat avec Adam alayhi salam. Faqala lahu, non pardon, c'est pas comme ça. An Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala Moussa alayhi salam a dit à Adam. Il a dit, pardon, j'ai lu deux hadiths à la fois. Dans le premier hadith, c'est Moussa qui a fait un débat avec Adam alayhi salam. Maintenant, dans le deuxième hadith, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le débat et pourquoi il l'a fait. Donc عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كل بروفة صلى الله عليه وسلم آدي موسى عليه السلام آدي يا رب او الله ارينا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة يا الله او من ديو montre-nous آدم pardon montre-nous celui qui nous a fait sortir, celui qui s'est fait sortir lui-même et nous du paradis. Montre-nous celui qui s'est fait sortir et nous a fait sortir du paradis. فأراه آدم الله عز وجل يامنتخي آدم عليه السلام فقال موسى عليه السلام il veut faire un débat avec آدم عليه السلام فقال موسى أنت آدم c'est toi آدم parce qu'ils se connaissent pas bien sûr, ils se sont pas rencontrés. Il lui a dit c'est toi آدم فقال له آدم نعم oui c'est moi فقال موسى عليه السلام أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. C'est toi que Allah Azza wa Jal, يعني, t'a mis ou a mis à l'intérieur de toi de son âme. Quand on dit de son âme, pardon mes frères et mes soeurs, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, il y a peut-être des nouveaux dans la salle, je ne sais pas. De son âme, c'est pas l'âme de Dieu qui est dans son esprit. Non. Non. C'est pas l'âme ici, c'est pas l'âme que, qu'il y a quelque chose qui se trouve en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, de son âme, ça veut dire qu'il a créé. L'âme qu'il a créé. Iba fanouan. Iba fat sefa la moussouf, iba fat makhlouk, il a khaliq. هنا إضافة مخلوق إلى خالق ça veut dire comme Allah Azza wa Jal a créé des choses on dit ça ce sont ces choses comme donc il lui a dit ici c'est toi qui lui as fait rentrer yani, dans son corps yani, de ton âme de l'âme que tu as créé comme on lui dit de par exemple de tes nuages de tes fruits ça veut dire que les fruits les nuages que tu as créé de la terre. Hein, c'est pas ça veut dire obligatoirement que cette chose était en Allah, en son fort intérieur, là, ma'ad Allah. Sinon, yani, on a quelque chose d'Allah dans notre cœur. On a une partie de notre âme, de l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. C'est impossible. Donc, de ton âme et de l'âme que tu as créée. Ant alladhi nafakha Allah fika min ruhih, c'est toi que Allah Azza wa Jal a yani, t'as mis de son esprit ou de son âme à l'intérieur. Wa asjada laka malaikatak. C'est toi que Allah Azza wa Jal a fait prosterner les anges. C'est à toi qu'il a fait prosterner les anges. Wa 'allamaka al-asma kullaha. C'est toi que Allah Azza wa Jal t'a appris tous les noms. Comme on l'a dit hein, quand on a commencé le livre. Il lui a appris tous les noms. Qala na'am. Adam alayhi salam a dit oui, c'est moi. Qala. Fama hamalaka 'ala an akhrajtana wa nafsaka min jannah. Donc Moussa alayhi salam a dit qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, barakallahu fik, pour. Tu t'es fait sortir toi et tu nous as fait sortir du paradis. Qu'est-ce qui t'a pris, barakallahu fik? Adam, dis-nous, qu'est-ce qui t'a pris pour t'es fait sortir et en même temps nous on est sortis. Si tu étais resté au paradis, on serait tous nés au paradis. Maintenant, dis-moi pourquoi tu nous as fait sortir et tu es sorti. Faqala lahu Adam, Adam alayhi salam lui a dit, man anta, qui es-tu? Qala ana Moussa, c'est moi Moussa. Je vous ai dit qu'il ne se connaissait pas. قال انت موسى بني اسرائيل تو موسى كالله عز وجل envoyé chez les بني اسرائيل les israéliens peut-être qu'il y a beaucoup de Moussa انت الذي كلمك الله من وراء حجاب c'est toi que Allah عز وجل a adressé la parole derrière un voile فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه sans qu'il t'ait envoyé un prophète comme ça il t'a parlé directement les autres prophètes ils leur parlent avec quand il leur envoie Jibril alayhi salam et toi il t'a parlé comme ça directement derrière un voile. Qala na'am, il a dit oui c'est moi. Qala Adam alayhi salam talumuni ala amrin qad sabaqa min Allah azza wa jal al-qada'u bihi qabl. Il lui dit tu me plains pour quelque chose que Allah azza wa jal a écrit, tu me plains pour quelque chose que Allah azza wa jal a écrit. Dans un autre hadith sahih, tu me plains pour quelque chose que Allah Azza wa Jal a écrit 40 ans avant de me créer. 40 ans avant de me créer. Tu me plains maintenant. Ensuite, il a dit, فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, Adam alayhi salam, quand il a dit ça, يعني, حَجَّهُ, يعني, Moussa alayhi salam n'a rien trouvé à redire. N'a rien trouvé à redire. Tu me plains pour quelque chose que Allah Azza wa Jalla a écrit. Là, mes frères et mes sœurs, l'écriture se divise en deux. C'est comme la volonté. L'écriture universelle et l'écriture juridique. Allah Azza wa Jalla a écrit une écriture universelle que Adam alayhi salam va manger de l'arbre et il va sortir de quoi? Du paradis. Mais Allah Azza wa Jalla ne lui a pas dit de faire. Bien au contraire, il lui a dit, attention, tu manges, ne mange pas, attention, tu manges. Mais, puisqu'il savait qu'il allait manger, Allah avait écrit auparavant. Alors, 40 ans avant de le créer, il avait écrit que Adam, je vais le créer, il va manger de l'arbre. Attends que j'écrive maintenant direct sur le plateau réservé. Sur le, monsieur le plateau, sur le, je vais écrire direct sur le, j'ai oublié comment on dit l'ouh al-mahfouz, c'est un nom en français. L'ouh, comment on dit l'ouh al-mahfouz? La clé préservée, ça doit être la même chose, naam. Sur la table gardée, ou là, le tableau préservé, là, je l'avais écrit que l'homme allait manger de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il savait. C'est pas la peine de l'attendre jusqu'à ce qu'il mange. Toi, quand tu envoies ton fils, tu envoies ton fils aller acheter quelque chose, tu ne sais pas, quand il ferme la porte, si vraiment il est allé ou là, il n'est pas allé, ou là. Pardon, une seconde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fils saut. Fils saut. Naam, jazakumullahu khairan. Tellement yani, j'étais avec l'histoire Ali que quand j'ai voulu répondre à cette personne au téléphone, je lui ai presque dit comment vas-tu Adam? Comment vas-tu Adam? Je lui ai presque dit cela. Enfin, ensuite, je me suis vite souvenu de son nom. El Mohim. Donc, Adam alayhi salam, c'est lui qui a gagné dans ce débat. C'est lui qui a gagné dans ce débat. Ensuite, pour terminer, là, il faudrait que ça soit très bien et très clair. Très bien et très clair. Qu'est-ce que ça veut dire que Hajja Moussa Adam? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la raison était avec Adam alayhi salam? Les ulama ont dit que c'est interdit en islam de se baser sur le qada ou qadar, hein, la prédestination, sur le destin. C'est interdit de se baser sur le destin quand on fait des péchés. C'est interdit en islam de faire un péché et de dire c'était destiné, c'était prédestiné. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de faire le péché et tu dis c'est prédestiné. Mais ils ont dit c'est permis de se baser sur le destin si tu fais le repentir. Adam alayhi salam, c'est basé ici sur le destin. Naam, le destin, la prédestination. Naam. Adam alayhi salam, ici c'est basé sur le destin et la prédestination. Il s'est basé sur cela. Mais pourquoi? C'est pas pour manger. Parce que ça s'est déjà terminé, il a fait le repentir. Donc les ulama ont dit, il est impossible à quelqu'un qui ne fasse pas par exemple la prière. Salam, wa barakatuh. Il ne fait pas la prière. On lui dit pourquoi tu ne la fais pas? Il dit oh là, c'est prédestiné. Ah, Allah Azza wa Jal qaddar hada. C'est écrit en haut, je ne peux rien faire. On lui dit, tu es un grand menteur et tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis, tu m'as écrit cela. Si c'était vrai qu'Allah Azza wa Jal, lui qui t'avait écrit que tu n'allais pas faire la prière et tu allais faire des grands péchés. Si c'était lui, alors pourquoi le jour du jugement dernier, il va te faire rentrer en enfer? C'est simple, tu lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui m'as écrit. Maintenant, tu m'écris de ne pas faire la prière. Tu écris sur le tableau préservé que je vais boire de l'alcool. Ensuite, quand je bois, tu me dis pourquoi? C'est toi qui m'as écrit. C'est pas vrai. Là, on dit c'est pas vrai. Allah Azza wa Jalla a écrit ce qu'il savait que tu allais faire. Il n'a pas écrit pour que tu fasses. Voilà la différence. Il a écrit ce qu'il savait que tu allais faire. Il n'a pas écrit pour te forcer de faire. C'est comme je vais donner tout à l'heure, par exemple, l'exemple. Je dis, par exemple, que tu envoies ton fils pour acheter quelque chose, quand il sort, il ferme la porte, tu ne sais pas vraiment où il est parti, ça. Tu attends qu'il revienne pour que tu sois sûr qu'il est allé chez l'épicier et non pas au stade. Tu attends qu'il revienne. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer, tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas ce qu'il y a dehors. Tu peux voir seulement ce qu'il y a dans ta chambre quand tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui se passe après la porte. Mais Allah Azza wa Jal, pour lui, il sait ce qu'il y a. Il n'attend pas que tu fasses des choses pour qu'il les écrive. Avant de te créer 50 000 ans, il a tout écrit. Il a dit, je sais que X, celui-là, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Donc j'écris d'avance ce qu'il va faire. Y, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Et j'écris. Allah aurait pu attendre que nous fassions les péchés, les adorations et toutes choses. Ensuite, il aurait écrit. C'est simple, c'est facile. Mais Allah Azza wa Jal, tellement il a de la science, tellement l'ilm, tellement il a de la science de l'avenir qu'on n'a pas nous. Moi, dans une minute, je ne sais pas est-ce qu'on va me téléphoner ou là on va frapper à la porte, je ne sais pas. Dans une minute, ce qui va se passer, je ne sais pas. Allah Azza wa Jal, des milliards d'années, ou à l'avenir, il sait ce qui va se passer. Donc il a dit, l'Azawajal a dit, moi je vais écrire directement ce qu'ils vont faire. Donc le fait que la chose soit écrite, ça ne veut pas dire qu'il t'a forcé. Hacha abadri, hacha. Donc les ulama a dit, l'ihtijaj bil qadr yakun ala al-masa'ib wa laysa ala al-ma'ayib. Il est permis de se baser sur la prédestination en ce qui concerne les malheurs et non pas en ce qui concerne les péchés. Quand il y a un malheur qui se passe, tu dis quoi? Tu dis qaddara Allahu ma shaa fa'al. C'était prédestiné. Un malheur, c'est pas toi, tu fais un péché. Attention, c'est le malheur qui vient. Quelqu'un qui meurt, tu dis qaddara Allahu ma shaa fa'al. On fait un accident de voiture, qaddara Allahu ma shaa fa'al. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est pas il va boire un verre de vin. Pourquoi tu as bu? Qaddara Allahu ma shaa fa'al. C'était prédestiné. Kaddab. Si c'était prédestiné, pourquoi Allah Azza wa Jal a demandé ici en terre que quelqu'un qui boive, qu'on le frappe, on frappe son dos, on le fouette. Pourquoi? Et à la quatrième fois, il meurt, il doit mourir. Et s'il rentre au paradis sans faire le repentir ici, même au paradis, il ne va pas boire l'alcool du paradis. Pourquoi? Et Allah, pourquoi tu as écrit tout ça, ensuite tu m'empêches de toutes ces choses-là? Abadan, hachalillah, astaghfirullah, tout cela ce n'est pas vrai. Donc, en islam, tu dis qaddallahu ma shaa fa'al pour les malheurs, pas pour les péchés. Et Adam alayhi salam ici, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui a triomphé sur Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam lui a dit, pourquoi tu nous as fait sortir? Et Adam alayhi salam lui a dit, quoi? Tu me plains de quelque chose qui a été écrit 40 ans? Quelle est la chose qui a été écrite? C'est pas qu'il allait manger, mais c'est que Allah Azza wa Jal allait les faire sortir du paradis. Ça c'est un malheur. Donc Adam alayhi salam s'est basé sur la prédestination, il s'est basé sur le malheur, parce qu'il y a eu un malheur, l'Azur l'a fait sortir. C'est comme s'il voulait dire à Moussa alayhi salam, écoute Moussa, moi tout ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est j'ai mangé, j'ai désobéi, j'ai mangé. Ensuite j'ai fait le repentir, je demande à Allah qu'il me pardonne. Mais c'est pas moi qui me suis fait sortir, et c'est pas moi qui t'ai fait sortir. Moi j'ai mangé seulement, et j'ai regretté, j'ai fait le repentir. Mais c'est pas moi qui me suis fait sortir, c'est Allah qui m'a fait sortir. Ça c'est un malheur. Donc pour le malheur je dis pourquoi tu me plains toi pour un malheur? Si tu me plaignais pour le péché, si tu m'avais dit Adam, pourquoi tu avais mangé de là, je te dis d'accord, ça j'ai mangé, je regrette, ça s'est déjà passé, je regrette. Mais il lui a dit pourquoi tu nous as fait sortir? Alors il lui a répondu, le malheur c'est pas dans mes mains, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a puni, il nous a fait sortir. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Si j'ai dit juste, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a aidé. Si j'ai dit faux, c'est parce que je suis ignorant, c'est parce que le shaitan qui m'a trompé. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, dans 5 minutes pour les questions. Je demanderai à mes frères et mes soeurs de que leurs questions soient dans le cours, Inch'Allah ta'ala, qu'ils aient rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, il y a un peu de temps, Inch'Allah ta'ala, on parlera, on répondra aux questions qui ne sont pas dans le cours. Et je répondrai à la première question, je répondrai à la sœur, Inch'Allah ta'ala, qui vient juste de poser la question ici sur l'écran. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله تعالى on va commencer par les questions qui ont rapport en cours. Très bientôt, إن شاء الله تعالى, إذا الله عز وجل وفق, يعني on va faire le programme très bientôt. Il sera إن شاء الله dans un site, et ce site, إن شاء الله تعالى, qui est dédié par des frères qui veulent que le minhaj salafi et le vrai din se propage pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce site, il y aura une partie où il y a un message qui est un lien entre vous et moi, pour savoir s'il y a d'autres, s'il n'y a pas, etc. Quand par exemple cette semaine, beaucoup de gens croient que j'étais en voyage alors que c'était reporté. Donc il y aura inchallah un jour spécialement pour les questions-réponses. Il n'y aura pas de dars, il y aura un jour spécialement pour les questions-réponses. On commence, Inch'Allah ta'ala, par Abu Mu'ad 42. Tafaddal wa tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddal. une seconde, j'avais oublié, j'avais promis une chose, Inch'Allah Ta'ala, j'avais dit, la sœur avait demandé quelle est la différence entre les deux écritures. C'est comme la volonté. La volonté, il y a l'universel, il y a la juridique. Non, la volonté, il y a l'irada al-kouniya al-qadariya ou l'irada al-shara'iya al-amriya. C'est la même chose. Ici, l'écriture, elle est universelle et elle est juridique. L'universel, c'est pas obligatoirement que l'Azza wa Jalla aime ce qu'il a écrit. Et la juridique, c'est quand il aime ce qu'il écrit. Il aime. Abu Mu'atta Fadl, je te laisse le micro si tu le prends, Inch'Allah Ta'ala. Tawakkal 'ala Allah. Je ne sais pas si Abu Mu'ad est avec nous. Hein. Peut-être qu'il est, faire, il est allé faire la prière. Parce qu'on n'a donné aucun signe. Souleyman, Inch'Allah Ta'ala. Tafadvali, Souleyman. Tafadvali. Assalamu alaikum. Alaikum salam. J'ai deux questions, Inch'Allah. La première, pouvez-vous, Inch'Allah, répéter les quatre groupes d'êtres humains? Je sais qu'Inch'Allah Ta'ala, Souleyman du 13, voudrait savoir cela pour le contrôle. Je sais que c'est une ourte qui est très studieuse, qui est très studieuse et qui aimerait apprendre. Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne de la soif qu'elle a pour apprendre. C'est pour cela que j'ai cherché l'adresse de Ourte Souleyman pour l'avertir que on a déjà commencé les doros hier, mais je ne l'ai pas trouvé sur moi. Donc je dirais, il y a quatre groupes. Il y a ceux qui ont le père et la mère. Le père et la mère, c'est toutes les personnes. Et il y a ceux qui n'ont ni le père ni la mère, c'est Adam alayhi salam. Et il y a ceux qui ont la mère seulement, c'est Isa alayhi salam. Et il y a ceux qui ont le père seulement, c'est Hawa alayhi salam. Elle avait le père seulement. Fadli, la deuxième question, inchallah. Humain. Mais c'est qui son père? Ah, alors ouais, j'ai pas compris ce que ça veut dire. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Mais qui son père? C'est qui son père? Dis, je n'ai pas compris. Ah, Hawa, c'est qui son père? J'ai dit que Adam, c'est son père. Adam, elle a été créée de lui. Quand on est créé de deux, d'un père et d'une mère. Elle, il n'y a pas eu de femme. Donc c'est seulement un sexe masculin qui existait. Donc c'est son père. C'est son père. Non. Faites-le pour la deuxième question. Tawakkal 'ala Allah Azza wa Jalla. Souleyman dit, je voudrais savoir, est-ce qu'on pouvait faire un doua après la salat de l'Asr, un vendredi, j'aimerais savoir en combien de prosternations. Si tu as terminé ta question, écris numéro 1, Barakallahu fik. Pour que je n'attende pas encore si elle est terminée. Non, les doua qu'on fait, ce n'est pas dans la salat. Ourte Souleyman, ce n'est pas dans la salat, c'est hors salat. Hors salat. Tu lèves les mains, hein, de préférence tu es avec les petites ablutions, de préférence, ça ce n'est pas obligé, mais c'est mieux. Par exemple, on a fait les petites ablutions et on fait les doua. Maintenant, même si on n'a pas fait les petites ablutions, même si une femme est dans ce qui lui arrive chaque mois, il n'y a pas de problème. Elle peut lever les mains et faire le doua à cause de ce moment opportun qui est le vendredi. Bien sûr, le hadith a dit, en ce sens, je dis à peu près le hadith comme on peut l'a dit, il a dit que il y a un moment après la salat que si Allah Azza wa Jalla trouve quelqu'un en train de qa'im yusalli, qa'im debout, en train de faire la prière, il lui exaucera. Et nous, On se dit salafi, pourquoi? Il y a des signes pour être salafi. C'est pas quiconque va dire moi je suis salafi comme ça. Ensuite, l'un des signes, il y a beaucoup de signes pour connaître un salafi, beaucoup, beaucoup de signes. L'un des signes c'est quoi? C'est de ne jamais dire, ou plutôt de ne jamais traduire quelque chose de la tête, sans revenir aux ulama qui vont expliquer. Celui qui va ouvrir le Bukhari, qui va expliquer de sa tête, c'est pas un salafi. celui qui va ouvrir le Coran, il va expliquer de sa tête, c'est pas un salafi. Comme le bon homme qui a expliqué avant-hier de sa tête. Hein? Il a égaré je ne sais pas combien de gens. Donc, ce hadith, subhanallah al-adim, ce hadith, où il est dit que si Allah Azza wa Jalla il trouve quelqu'un en train de faire la prière debout, en train de faire la prière, il lui exaucera si c'est après l'asr du vendredi. Apparemment, en train de faire la prière, ça veut dire la prière. Eh ben non, les ulama ont dit, yusalli ici, yusalli c'est quoi? C'est, ça veut dire yed'ou. Parce que le mot salat, en arabe, des fois ça veut dire faire la prière, et des fois ça veut dire faire les doigts. Comme il a dit dans un autre hadith sahih, apporté par Cheikh Al-Albani, il a dit, quand quelqu'un de vous est invité, et il a fait le jeûne, il est invité chez quelqu'un, bon, il n'a pas dit il a fait le jeûne, pardon, il a dit, quand quelqu'un de vous est invité chez quelqu'un, qu'il aille chez ce quelqu'un. Ensuite, s'il a mangé, si auparavant il avait mangé, qu'il mange, et s'il avait fait le jeûne ce jour-là, il a dit, qu'il fasse la prière, ça veut dire qu'il fasse les doigts. Car le mot salat en arabe, ça veut dire doigts. Donc ici, le hadith a dit, si là je trouve quelqu'un en train de faire la prière, et c'est-à-dire en train de faire les doigts. Et si quelqu'un va dire, mais le hadith a dit, qa'iman, ça veut dire debout en train de faire. Donc c'est la prière, puisqu'on est debout, les doigts on les fait assez. Les ulama ont dit, non, ne traduis pas ta tête. Le Coran n'a-t-il pas dit, en parlant des Nasara, des gens du livre, il a dit, les chrétiens, il a dit, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Il a dit, il y a des chrétiens, tu lui donnes des millions, ils te le rend. Il y a un autre, tu lui donnes un dinar, ils te le rend pas, sauf si tu es debout, قائم, debout en train de lui demander. Qu'est-ce que ça veut dire debout? Ici, ça veut pas dire debout, yani le contraire d'assis. Ça veut dire, tu insistes pour qu'ils te le donnent. Comme ici dans le doigt, le vendredi, tu fais le doigt en insistant. Voilà le vrai sens du hadith. Inch'Allah ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne et qu'il nous attache avec le ulama et qu'on ne traduise pas de nos têtes, Inch'Allah ta'ala. Ibn al-Islam, tafadhal, tawakkal Allah. Je t'ai enlevé le pain rouge, tu veux prendre le micro, Inch'Allah. Assalamu alaikum. On t'aime beaucoup et qu'Allah te récompense dans ta balance le jour du jugement dernier. Jazakallah khair et ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Première question. Est-ce que les prophètes ont vu les anges? Adam alayhi salam par exemple. Deuxième question. Est-ce qu'on peut prétendre voir les anges? Jazakallah khairan. Je répète la première, je n'ai pas bien comprise. Est-ce que la balance, est-ce que les prophètes ont vu les anges? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril, l'ange Jibril, deux fois seulement dans sa vie, dans sa vraie forme. Mais il l'a vu plusieurs fois dans une forme de personne. Il venait sous forme de personne. Et il venait surtout sous la forme de Dihya al-Kalabi. Dihya al-Kalabi, c'était un compagnon. Et Jibril alayhi wa sallam venait beaucoup sur sa forme. Yani quand Dihya est absent, lui il vient avec la même yani, sa forme. Si on le voyait, on disait, comment vas-tu, Dihya? Alors que c'est Jibril alayhi salam. Pourquoi il choisit Dihya al-Kalabi? Parce que Dihya était l'un des plus beaux compagnons. C'est pour ça que il voulait descendre ou venir sur quelqu'un qui était beau. Donc les anges arrivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril qui est un ange que deux fois. Est-ce que les prophètes les autres les ont vus? Allah Ta'ala alam. Ils ont vu Ibrahim alayhi salam, tu sais que quand ils sont venus vers lui, il les a vus, ils sont rentrés chez lui sous forme humaine. Moussa alayhi salam, quand l'ange de la mort est venu chez lui, il l'a frappé, il est venu aussi sous forme humaine. Car les anges, si quelqu'un les voyait dans leur vraie yani, créature, peut-être qu'ils mourraient tellement yani, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont étranges, etc., etc. Voici maintenant la dernière question qui est importante. Est-ce qu'un homme peut prétendre voir les anges? Aucun homme ne voit les anges. Mais je te dis qu'il voit le shaitan sous forme d'ange. On voit le shaitan qui te dit quoi? Qui te dit, moi, je suis un ange, etc. D'ailleurs, même moi, j'ai connu quelqu'un qui a commencé à avoir le wiswas. Il dit, j'entends des voix au-dessus de moi, ce sont des anges, etc. Je lui dis, moi, attention, ce ne sont pas des anges. Ce sont les shaitans qui veulent faire, ils vont te faire des problèmes. Dès maintenant, commence à t'en désengager, à te barrer à minhom, et il fait beaucoup d'aider, etc. Il n'a pas voulu. Chaque fois, il dit, là, je les entends encore de plus près, etc. Ensuite, c'était les shaitans, bien sûr. Ensuite, lui, le shaitan, l'a habité, et il est rentré en lui, etc. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé, ma'allaha. Maintenant, on s'est limé, barakallahu fikoum, vous rappelez son tout le bénéfique, Allah vous rajoute, barakallahu fikoum. Fiki, barakallahu fikoum. Akhi, Ayyub, t'as fait d'aller, barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoumullah. Ma question suivante. Le quatrième Adam alayhi salam est sorti du paradis suite au péché. Est-ce un dalil pour dire que certains malheurs sont dus à nos péchés? Barakallahu fik. Il y a une sœur qui veut prononcer la shahada. Donc je réponds par deux ou trois choses. Premièrement, je commence par quand je parlais de qui? Quand je parlais des anges. Des anges, j'ai dit que personne ne pouvait les voir. Personne ne pouvait les voir. Il y a maintenant une secte qui dit qu'elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette secte existe même dans de l'endroit où je vous parle ici. Il y a entre moi et cet endroit peut-être 4 ou 5 kilomètres. Ils se rencontrent comme ça une fois par jeudi et ils se disent, le prophète alayhi wa sallam, au Maroc aussi, le prophète alayhi wa sallam va descendre dans 2 ou 3 minutes. Il lui laisse même une place comme ça. Ensuite, ils restent tous la tête baissée. Ensuite, ils se disent, ça y est, il est entre nous. Ils commencent chacun à tendre sa main, ça veut dire pour le salut, etc. Et ceux-là, bien sûr, ce sont de grands, grands égarés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il revenait, il serait revenu vers qui? Vers Abu Bakr, quand il a eu des problèmes avec les gens qui se sont apostasiés. Il serait revenu à Omar radiallahu ta'ala anhu pour lui dire, attention, on va te tuer avec, demain tu vas faire la prière du Fajr, on va t'assassiner. Il s'est revenu vers Ali pour séparer de la grande guerre qui a eu entre Ali et Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Il serait venu vers Ali pour lui dire, attention, le Majusi hada, il va t'assassiner, etc. Donc ce sont de grands égarés. C'est pas la peine, inchallah, de perdre le temps dans ce sens. Ensuite, il dit, Naam, Umu Ayyub, exactement comme tu as dit. Certains péchés, ou la plupart des péchés, sont la cause pour qu'il nous arrive un malheur. C'est pourquoi, les compagnons du prophète, radiallahu ta'ala anhum, quand ils montaient, par exemple, sur leur monture, sur le cheval ou sur le chameau, ils voulaient pas marcher, avant de descendre pour chercher un bâton, ils commençaient toujours par faire le repentir. Ils disent, Astaghfirullah wa atubuli. J'ai dû sûrement faire quelque chose. Naam, quand ils font le repentir, etc., la monture commence à marcher. C'est pour ça, quand quelqu'un, sa voiture ne veut pas démarrer ou là, avant d'aller tout droit chez le mécanicien, il commence à quoi? À faire le repentir, etc. Peut-être qu'il a fait quelque chose hier ou l'avant-hier. Et le grand délire, que quand on fait un péché, on a le malheur. C'est le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est rapporté par l'Albani dans Sahih al-Jama. Il est rapporté dans Sahih al-Jama. C'est un compagnon qui a rencontré une femme dans la rue. Cette femme, autrefois, était une femme de joie. Il l'a rencontrée, il a commencé à lui parler, comment vas-tu, comment, etc. Ensuite, sans rendre compte, il a mis sa main sur sa main ou là, sur son épaule ou là. Elle lui a dit, mais elle lui a dit, tu te trompes beaucoup. L'islam a fait partir l'associanisme, le shirk. L'islam a fait partir le kof. Ça veut dire, ça c'était autrefois. Hein, je me vendais. Maintenant, je suis une musulmane, une pieuse. Yani, tiens-toi bien. Yani, le sahabi, le compagnon, tellement yani, la phrase l'a choqué, il l'a laissée, il a marché un peu, tout en la regardant, il a commencé à marcher. Maintenant, ou bien il l'a regardée, parce qu'il s'est étonné, c'est du subhanallah l'adhim, une femme change comme ça, du jour au lendemain, ou bien parce qu'elle lui plaisait, il a commencé à marcher et la voir. Je ne sais pas exactement quel est son sens. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Tout en marchant, il s'est frappé la tête contre un mur. Ensuite, il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui a rapport au dars. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, toi, c'est quelqu'un que Allah azza wa jalla aime. Allah azza wa jalla, quand il veut du mal de quelqu'un, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Donc, il a voulu lui dire que toi, Allah azza wa jalla t'a aimé parce que tu as fait le péché, il t'a donné le châtiment maintenant sur place. Donc, c'est pas la peine, ceux qui font les péchés et qui croient que rien ne leur arrive, c'est pas la peine de crier victoire et de se réjouir. Car c'est le contraire. Car quand tu fais le péché et rien ne t'arrive, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla te veut du mal et qu'il veut que tu le rencontres avec des montagnes de péchés. Et que s'il te voulait du bien, le jour même où tu as fait le péché, tu vas avoir gagné ton châtiment, ou la semaine, ou la telle. Voilà en ce qui concerne inchallah la réponse. Il y a une sœur qui veut prononcer la shahada. C'est comment la shahada? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle prononce la shahada? Elle veut avoir une shahada ou la comment cela? Ah, rentrer en islam. Ah, elle veut se convertir. Ah, barakallahu fik, fahamni. Où est-ce qu'elle est la sœur? Yani, elle est avec nous, tu veux dire, ou la comment? J'ai pas bien compris. Ah, naam. Marhaban biha. Naam. Marhaban biha. Naam. Je voudrais te dire que... Akhi ibn al-Islam. Naam, je voudrais te dire, et ça pourra prendre aux gens aussi, je voudrais vous dire, que quand quelqu'un rentre en islam, ce n'est pas bien sûr obligatoirement qu'il doit aller chez quelqu'un pour le dire. C'est pas obligatoire, vous savez cela. Yani, lui seul il dit, shahadu la ilaha illallah, j'atteste que Allah, c'est lui seul mérite l'adoration, wa shahadu anna Muhammadan, c'est son prophète et son serviteur, Abdou Rasoulou. Mais les gens maintenant, ceux qui se convertissent, vont les chez même, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils ne connaissent pas comment et que leur islam, leur conversion ne soit pas exacte. C'est en ce sens qu'ils vont chez l'imam. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est seul ou là, il a fait pas jusqu'à ce que on lui trouve un imam. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyaha wa an yashraha laha sadraha wa an yaftaha 'alayha futuhat wa an yu'allimaha ad-din wa an yaj'alaha min talibati al-'ilm wa an yahdiya biha aydan. Inshallah ta'ala, je suis là, akhi, quand inshallah ta'ala elle est prête, inshallah ta'ala on est là, wa barakallahu fik, jazakallahu khair. Amin. Ukhti hasra, je crois, ummu, attends, je sais pas, on s'est arrêté. Je demande à mes frères de baisser les bras pour savoir qui était le dernier qui a posé la question. C'est Oumou Ayoub. Ukhti Hasna, tafaddali. Pardon, je vais faire descendre les autres pour savoir où je suis. Salam alaikum wa rahmatullah alayki, salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quels sont les 10 signes avant la fin du monde? Je n'ai pas très bien compris quand vous avez expliqué concernant le fruit qu'il ne fallait pas manger. Barakallahu fik, la nam. Astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. En ce qui concerne d'abord, en ce qui concerne le fruit, ce que j'ai dit, je le répète. En ce qui concerne le fruit, je voulais dire que Allah Azza wa Jal n'a pas spécifié, n'a pas montré quel est le fruit. Il a montré un arbre et il a dit, de cet arbre il ne faut pas manger. Et de cet arbre, ça veut dire de tous les arbres qui sont de la même sorte que cet arbre. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il ne lui a pas montré un seul arbre, il lui a dit, par exemple, un oranger. Il ne lui a pas montré un oranger. Il lui a dit, ne mange pas celui-là, et ça veut dire que tu peux manger des autres orangers. Non, il lui a montré une sorte d'arbre, par exemple l'oranger, et lui a dit ne mange pas de l'oranger, c'est-à-dire ne mange pas des oranges dans le paradis. Et Adam alayhi salam a mangé bien sûr, mais il n'a pas dit quel est le fruit exactement. En ce qui concerne les 10 signes, je les dis comme ça très vite, je ne sais pas si je vais les dire les 10 parce que sûrement je vais en oublier, vous allez inchallah me faire vous souvenir. Il a dit, je les donne comme ça, ils ne sont pas classés, inchallah les autres vous m'aident inchallah à trouver quels sont les 10. Si vous comptez aussi avec moi, peut-être que je vais pas dire 10. Il a dit le Messie Dajjal, l'Antéchrist. Il a dit le soleil qui va se lever par l'ouest. Le soleil, d'habitude, il se lève à l'est. Mais ce jour-là, ma'al-asaf, il va se lever de l'ouest. Il a dit aussi Dabba. Il a dit qu'il va y avoir un grand animal. Je ne sais pas exactement quel est cet animal qui va sortir, ou il va sortir de sous la terre. Ensuite, si je rencontre, il a dit Ya'juj ou Ma'juj. Il y a la bête, ça. Il y a Ya'juj ou Ma'juj qui va sortir. C'est un groupe de gens. Un groupe, ça s'appelle Ya'juj ou Ma'juj. Ceux-là, ils vont sortir, ils vont tout manger. Ils vont boire tous les puits, ils vont boire la mer, ils vont manger tous les arbres, etc. Inch'Allah, ce hadith, on vous l'expliquera bien sûr, yani, avec les détails au moment opportun. Ensuite, il a dit Isa alayhi salam, il va descendre. Ensuite, il a dit Dukhan. Il a dit on va voir une grande fumée qui va descendre du ciel. Une grande fumée. Très très dangereuse qui va descendre du ciel. Ensuite, il a dit Wathalaf Khusuf. Yani, la terre va s'ouvrir. Ça s'appelle Khash. La terre va s'ouvrir et elle va avaler tout ce qu'il y a sur elle, trois, mais il va y en avoir trois. Trois fois la terre va s'ouvrir, bil Maghrib, du côté de l'ouest. La terre va s'ouvrir trois fois, et bien sûr, va tout avaler. Il a dit, khas, il y a un khas, bil Mashriq, un khas qui sera à l'est, un khas bil Jazir al-Arab, un khas qui sera en Arabie Saoudite, le Jazir al-Arab, et un autre. Je crois c'est le dernier signe, je ne sais pas comment j'ai dit. Il a dit ensuite il y a un feu qui va sortir au Yémen, un grand feu. Celui-là, c'est lui qui va pousser les gens à aller vers le mahshar, vers le où on va se réunir. Wallahu ta'ala alam. Je ne sais pas si vous avez compté, si j'ai 10 ou j'ai 17 ou 8, ou je ne sais pas. Bon, je vais voir qui m'a posé cette question. Il en manque deux. Non, les trois khusuf, ça compte trois. Quand j'ai dit la terre va s'ouvrir trois fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça compte trois fois. Ça compte trois, inshallah ta'ala. Om sakina, tafaddali, wa tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, 10, naam, c'est ça. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatim salihat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عفوا شيخ، il me semble que le frère Abou Mouad souhaite poser une question. نعم، je l'ai pas vu Abou Mouad. Où est-il? Quand il était avant nous, moi je l'ai posé. نعم، où est Abou Mouad? Je vois pas sa main levée. C'est ça la mouchkila. Où est-il? Qu'il prenne inchallah la main. Abou Mouad, tafaddal. C'est à toi inchallah le micro. Tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikoum. Cheikh, pardonnez-moi de la gêne occasionnée et je vous remercie inchallah de votre patience et de vos qualités. Donc ma question, Cheikh, c'est la suivante. Nous savons qu'il est interdit de se prosterner, Cheikh, pour qui que ce soit, ni devant qui que ce soit, hormis pour Allah et Azza wa Jalla. Est-il vrai, Cheikh, que les ulama du Salaf ont dit que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, alayhi salam, Adam en réalité n'était qu'une direction, comme lorsque nous, les musulmans, nous nous prosternons en direction de la Kaaba, en réalité nous prosternons exclusivement pour Allah Azza wa Jalla. Donc, ma deuxième question, Cheikh, enfin, dis-moi ma question, hein, est-ce que par conséquent Iblis a refusé de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et non devant Adam alayhi salam? Barakallahu fikum shir, wa salamu alaykum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sah, Iblis a fait deux grandes fautes. Deux grandes fautes. Je ne me prosterne pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa raison c'est quoi? C'est que je suis mieux que Adam. Il s'est trompé aussi, il n'est pas mieux que Adam. Adam est mieux que lui. Donc il a fait deux grandes fautes. Les ulama ont dit, Allah Azza wa Jalla lui a demandé de se prosterner pour sa cause, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Si Allah Azza wa Jalla te dit, il ne dit pas, il ne dira pas, si tu dis prosterne-toi devant une statue ou là un kafir, tu le fais. Parce que c'est lui qui l'a dit, ne cherche pas à comprendre. Mais Allah Azza wa Jalla ne dit pas ces choses, bien sûr. Iblis a dit non, moi je ne me prosterne pas. Et deuxièmement, j'ai des raisons. Tu crois tes raisons, je suis mieux que Adam. C'est pour ça que les ulama disent, il a fait deux grandes fautes. Il a fait deux grandes fautes. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, naam, c'est le vrai auquel il fallait se prosterner, c'est parce que Allah Azza wa Jal a donné l'ordre. C'est parce que Allah Azza wa Jal a donné l'ordre. Ensuite, je voudrais que vous sachiez que la prosternation n'était pas interdite dans certaines religions auparavant. N'était pas interdite. Ceux qui ont dit que c'est un soujoud pour Adam alayhi salam, ceux qui ont dit que c'est un soujoud pour Adam alayhi salam, ont dit que c'était un soujoud na'am d'honneur et que ce n'était pas interdit dans les religions avant notre religion. Na'am. C'est pour ça que quand Yusuf alayhi salam a dit que Allah a dit se sont prosternés pour lui, ils ont dit que c'était permis dans leur religion de se prosterner. Ensuite, ça c'est interdit dans notre religion. Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala, a'lam. Umsakina tafadali, barakallahu fik. Fika barakallahu fik, Mu'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, etc. Est-ce qu'on peut justifier la conséquence d'un péché par le qadr? Un exemple au hasard, un homme qui a fait zina et qui a un enfant sur un rapport. Est-ce qu'il peut dire qadr Allah, il m'était prédestiné? Est-ce que Allah il fait tout ce qui se fait sur terre ou pour ses créatures? Par exemple, si les écrits avant de le faire, après qu'il soit fait, et sur quoi les écrits? Naam. Om Sakina, quelqu'un qui a fait un péché, Inch'Allah ta'ala, je l'ai bien éclairci, quelqu'un qui a fait un péché, ça se divise en deux. Il y a celui qui a fait le péché et qui s'est repenti. Il a fait un péché, il a regretté, il s'est repenti. Celui-là, il peut dire, quand on lui a dit, pourquoi tu as fait la zina ou tu l'as faite, il dira, qaddar Allah ma sha fa'al. Maintenant, alhamdoulilah, je suis repenti, je ne fais plus, je suis pieux, je fais la prière, etc. Et la deuxième sorte de ceux qui font les péchés, celui qui fait le péché ne s'est pas repenti. Il est toujours en train de le faire. Celui-là n'a jamais le droit de dire quoi? N'a jamais le droit de dire qaddar Allah ma sha fa'al. Jamais. On lui dit donc tu mens sur Allah. Tu dis que c'est lui qui t'a prédestiné cela. Non. C'est le repentir, tu peux le dire. Sinon tu n'as pas le droit de dire, c'est interdit. Tu dois dire je reconnais d'avoir fait les péchés, etc. C'est pas Allah qui m'a écrit cela. Voilà comment on dit Al-Sunnah al-Jama'a en ce qui concerne la prédestination. Inch'Allah ta'ala c'est écrit, Inch'Allah ta'ala c'est compris. En ce qui concerne, est-ce que Allah Azza wa Jal a-t-il tout écrit avant? Bien sûr. 50 000 ans avant de créer l'univers et les cieux et la terre, et Allah Azza wa Jal a tout écrit sur le tableau préservé. Ça s'appelle Lawh al-Mahfouz. C'est écrit sur un grand tableau que seul Allah Azza wa Jal sait comment qu'il est fait. Préservé, personne ne peut effacer ce qu'il y a en lui. Il est préservé. Des shayatins, des personnes, même aucun ange ne peut approcher ce tableau et falsifier quelque chose ou l'ajouter quelque chose ou là, jamais au grand jamais. Ça s'appelle l'ouh al-mahfouz, le tableau préservé. C'est tout écrit là-bas. Tout est écrit là-bas. Si Allah Azza wa Jalla, par exemple, je donne un exemple. Si Allah Azza wa Jalla permettait de voir ce qu'il y a là-bas, tu aurais tout su ce qui va se passer d'ici jusqu'à la fin du monde. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que tu as compris. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, fais-moi signe et j'explique une deuxième fois. Akram, ta fadla li, barakallahu fi. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa khairatuh. Pouvez-vous expliquer la différence entre l'écriture et l'écriture juridique? Naam. Quand je voudrais savoir, Akram, puisque tu es là devant moi, puisque tu peux encore écrire, dis-moi d'abord, est-ce que tu as compris, lorsque j'ai fait le dars, sur la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique? Dis-moi si tu as compris cela. Est-ce que tu étais nous avec le dars, quand on a fait cela, est-ce que tu as compris et tu connais la différence entre les deux? Parce que c'est important pour que je sache comment te répondre. Ah, tu n'étais pas là. Non. C'est pour ça que ma soeur, c'est un peu difficile de te faire comprendre, mais je vais essayer quoi? Que je te fasse comprendre. C'est quoi la volonté universelle et juridique, ensuite celle-là, parce que c'est attaché. Parce qu'il y a la volonté. Non, pas de problème, Inch'Allah. Il y a la volonté universelle, la volonté juridique. Ensuite, il y a l'amr. L'amr, l'amr c'est le. Comment qu'on dit, je te donne un amr? Comment qu'on dit en français l'amr? Hein? Je te donne. Bon, il y a l'ordre. Hein? Je te donne l'ordre, ça. Il y a l'ordre juridique, l'ordre universel. Il y a l'écriture juridique, l'écriture universelle. Il y a beaucoup de choses comme ça, juridique et universelle. Chauffez, on commence par la volonté. Allah Azza wa Jal, on dit qu'il a voulu une chose d'une volonté universelle. Et quand il veut une chose, qu'elle soit. Hein? Il veut une chose qu'elle soit, c'est une volonté universelle. Pourquoi on l'appelle universelle? Parce que ça se passe dans son univers. Donc, tout ce qui s'est passé dans cet univers, ça s'est fait par volonté universelle. C'est là qu'il a voulu universellement, parce que ça se passe dans l'univers. Toutes les pluies qui sont tombées, tous les saisons, tous les morts qui sont morts, tous les pieux qui ont fait les adorations, tous les kuffars, ce qu'ils ont fait, ça rentre dans l'universitaire, la volonté universelle. Maintenant, la volonté juridique, c'est ce que veut Allah Azza wa Jal, mais seulement des choses qu'il aime, pas qu'il n'aime pas. Allah Azza wa Jal, par exemple, s'il veut d'une personne X qu'elle devienne par exemple musulmane, pardon, j'arrête une seconde, pardon. Et la volonté juridique, c'est quand Allah Azza wa Jal aime une chose, il la veut, on dit c'est une volonté juridique. Et la différence entre la volonté universelle et juridique, c'est que Allah Azza wa Jal, il peut vouloir des choses et il ne les fait pas. Yani, pour mieux expliquer, Allah Azza wa Jal, des fois il aime des choses et il ne les veut pas. Elle n'existe pas. Et des fois, il n'aime pas des choses et il les fait exister. Allah Azza wa Jal, par exemple, n'aime pas que les gens fassent la zina. Les gens fassent la zina, il n'aime pas ça. Et pourtant, il y a des gens qui font la zina. Comment se fait-il qu'ils font la zina? Allah Azza wa Jal l'a-t-il voulu? Bien sûr qu'il l'a voulu. Comment qu'il l'a voulu? Il l'a voulu d'une volonté universelle. Ça veut dire qu'il l'a voulu, mais il n'aime pas. Il ne l'aime pas. Il a voulu que ce soit pour des hikam, il y a une sagesse, beaucoup de sagesse derrière cela. Donc, la volonté universelle, des fois elle existe, et Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. Et des fois, Allah Azza wa Jal aime des choses, il les aime. Une volonté juridique, il les aime et elle n'existe pas. Par exemple, Allah Azza wa Jal aurait aimé que Abu Jahl fasse le repentir et rentre en islam. Allah Azza wa Jal aimerait que tous les gens rentrent en islam. Et pourtant, il y a beaucoup qui ne vont pas rentrer. Pourquoi ? Parce que la volonté juridique, elle ne se fait pas tout le temps. Allah Azza wa Jal peut aimer des choses et ne pas les créer. Il peut créer des choses et ne pas les aimer. Hadi inshallah ta'ala al-ukht akram, ça ne peut pas bien sûr se comprendre comme ça en un quart d'heure. Ça a besoin d'être répété beaucoup beaucoup de fois jusqu'à ce que ça imprègne le cœur et ça rentre. Et quand on a compris cela, il y a beaucoup beaucoup de problèmes qui vont se résoudre. Tant qu'on n'a pas compris pourquoi il y a deux volontés, etc., ça va être difficile. Mais je voudrais dire une chose, en ce qui concerne l'écriture, c'est la même chose. L'écriture, c'est la même chose. Quand Allah Azza wa Jal écrit quelque chose qui va se passer et que cette chose, il l'aime, on dit Allah Azza wa Jal l'a écrite une écriture juridique. Allah Azza wa Jal, s'il écrit dans le tableau préservé que X va commencer à faire la prière ou là va rentrer en islam, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a fait une écriture juridique. Parce qu'il aime cette chose. La juridique, c'est toujours l'amour, aimer. Allah Azza wa Jal aime cette chose. Si Allah Azza wa Jal va écrire dans le tableau préservé que X demain va faire la zina, parce qu'il savait qu'il allait la faire, il l'a écrite. Ça veut dire qu'il a fait une écriture universelle. C'est quelque chose qui va se passer dans son univers, c'est tout. Il n'aime pas la zina, Allah Azza wa Jal. J'espère, Inch'Allah, que tu as compris. Sinon, Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines durus, à force d'entendre ces choses-là, Inch'Allah ta'ala, elles vont être très simples, Inch'Allah ta'ala. Abu Muhammad, tafadhal, barakallahu fik. Tawakkal 'ala Allah wa tafadhal. Naam, Inch'Allah, fais une recherche et yani, apprends-nous, Inch'Allah ta'ala, ce que tu as appris dans les recherches. Inch'Allah ta'ala, n'estafid minki. Abu Muhammad, tafadhal, si tu veux prendre le micro, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal fi sawt, Cheikh? Est-ce que vous m'entendez? Ah, barakallahu fikum. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakum Allah. Je voulais savoir en fait, Cheikh, si lever ses mains après une prière obligatoire pour faire doua, comme ils font la plupart des gens, particulièrement les vieux, qui lèvent leurs mains après une prière obligatoire, est-ce sunna ou est-ce une bid'a? Barakallahu fikum, Cheikh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله. En ce qui concerne lever les doigts lever les mains après la salat, d'abord je parlerai de cela, ensuite je parlerai de la règle générale en ce qui concerne lever les mains pour les doigts. Inch'Allah, quiconque aura compris cette règle, Inch'Allah ta'ala, grâce, il est sorti des problèmes en ce qui concerne les doigts. Lever les mains après avoir terminé la prière, que ce soit la prière obligatoire ou bien la nafila, lever les mains à chaque fois qu'on fait une prière, ça rentre dans la bid'a et l'innovation. Ça rentre dans la bid'a et dans l'innovation. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si ça se faisait, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'aurait fait. Et pas nous. Donc, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun wa uswatun hasana. Nous, le din de qui on l'apprend? On l'apprend de nos grands-pères, de nos aïeux, des gens qu'on voit dans les mosquées, où là on apprend du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On apprend du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait jamais la main quand il terminait la prière. Donc elle dit, c'est la première des choses. Si on lève à chaque fois les mains après la prière, en ce sens que Allah Azza wa Jal aime ceci et aime cela, quand on lève les mains, on lui dit ça c'est pas vrai, c'est de la bid'a, donne-moi le délit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, ou un verset où c'est écrit qu'on lève les mains. Premièrement. Deuxièmement, il faut remarquer une chose très très intéressante et très, yani, il faut faire cette remarque. Sinon on rentre dans l'égarement. La deuxième remarque, c'est quoi? C'est comme a dit Cheikh Ibn Qayyim rahmatullah, mais si, maintenant j'ai fait la prière Et bien après avoir terminé la prière, je dis, je vais faire un doigt. Je sens quelque chose dans mon cœur où je me rappelle mon fils qui est malade, mon père qui a des problèmes. Je me rappelle une chose, j'ai dit, bon, je vais faire maintenant un doigt. Et je lève les mains ou là les bras pour faire le doigt. Ça, c'est permis et ce n'est pas interdit. Et ça ne rentre pas dans l'innovation et ça ne rentre pas dans la bid'ah. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le premier, le mubtadi', l'innovateur, a cru que ça, ça fait partie de la salade, qu'à chaque fois qu'on termine la salade, on doit prendre les bras, et que ça, on doit lever les mains, et que ça, Allah Azza wa Jalla l'aime, et c'est la sharia. On dit, non, ça c'est pas vrai, c'est une bid'ah, tu l'as inventé de ta tête. Mais le deuxième, a levé les mains, c'est pas parce qu'il a terminé la prière, mais c'est parce que quand il a terminé, il s'est souvenu qu'il veut faire un doigt. Il s'est souvenu d'une chose, qu'il mérite un doigt, il a levé la main. Peut-être qu'il l'a levé aujourd'hui, peut-être qu'il ne va pas la lever pendant 5 ans ou 6 ans. Peut-être qu'il va la lever encore demain, à cause d'eux, il va se souvenir encore une chose. Il va dire, tiens, il lève la main. Ça, les ulama ont dit, c'est permis, inshallah ta'ala. Et troisièmement et dernièrement, il y a une règle à prendre là, barakallahu fikoum. Lever les mains, ça se divise en 3 pour faire les doigts. Lever les mains pour faire les doigts, ça se divise en 3. Il y a ce qui est interdit, comme lever la main quand on monte sur le minbar, yom jumu'ah, et l'imam il va terminer, il lève la main et il commence les gens à lever la main et il fait les doigts à l'imam, l'homme ansar muslimin ou le mujahidin, et tout le monde assis lève les mains et il dit amin, amin, amin. Car quelqu'un a vu Marwan ibn al-Hakim lever les mains sur le minbar, il a dit dans ce sens, il a dit descends tes deux mains, c'est le khabithat, descends tes deux mains les maudites, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé les mains sur le minbar. C'est pour ça que Ibn Abidin rahmatullah, a dit et le rajah, yani le plus juste, c'est que tous ceux qui lèvent la main avec l'imam pour faire amin, amin, ils auront quoi? Ils auront des ithm, des siyyat, c'est un péché, ils sont rentrés dans la bid'a. Donc la première sorte de lever les mains qui est interdite, c'est quoi? C'est lever les mains quand l'autre est sur le minbar. Ou la deuxième, c'est de lever les mains tous les jours après la salat. Ça, la première sorte, l'interdiction de lever les mains. Ensuite, la permission de lever les mains. La permission de lever les mains, c'est quand on fait la salat de l'istisra. On fait la salat pour faire tomber la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains jusqu'à ce qu'on a vu ses aisselles, tellement il a levé les mains. Le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, et aussi pour faire cesser la pluie. Salat l'istisha. Tu fais un doigt, pourquoi? Pour que la pluie s'arrête, tellement elle a fait des ravages, etc. Donc la deuxième, où c'est permis. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a ajouté, et aussi dans la Safa et Marwa, et aussi le jour de Arafa, quand on est sur Arafa. Donc on a maintenant cité deux sortes. Une sorte, il est interdit de lever la main. Une sorte, il est permis de lever la main. Troisième sorte, ce n'est ni interdit ni permis. Tu fais comme tu veux, soit tu lèves, soit tu ne lèves pas. Et de préférence, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, tu lèves. C'est quoi la troisième sorte? C'est à part les deux sortes. À part les deux sortes que je viens de citer, ça s'appelle la troisième sorte. Tu es dans la maison, je te rappelle quelque chose, tu lèves la main. Tu es à la cuisine, tu te rappelles quelque chose, tu lèves la main, tu fais un doigt. C'est en général, à part les deux sortes. Ça, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, est-ce que dans cette troisième sorte, de préférence, on lève ou on ne lève pas? Il a dit, de préférence, on lève, cause du hadith sahih qui dit que si quelqu'un lève les mains pour faire un doigt à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a honte de lui rendre ses mains vides. Ça veut dire qu'il lui exauce. Si Inch'Allah Ta'ala c'est bien compris, Alhamdulillah, vous remerciez Allah Azza wa Jal. Si c'est pas compris, vous reposez la question, je la réexplique Inch'Allah Ta'ala, Wallahu Ta'ala A'lam. Abu wa Ummu Lina, tafaddalu, barakallahu fikum, tawakkalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum. wa rahmatullah wa barakatuh. Pouvez-vous rappeler brièvement les hadiths de la discussion entre Adam et Moussa al-Salam en arabe, min fadlikum la ijazif? Naam. Attends que je prenne le livre devant moi pour le dire avec yani, l'alphab, bil alphab. Attends. Je vais le dire un peu vite, Harry, parce qu'il est un peu loin, je vais le dire un peu vite. Inch'Allah ta'ala, je trouve seulement la page où je me suis arrêté. Chauffe, écoute bien, jazakallahu khair. Abu wa Umulina, tafadallah. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى دي ثم دي فعلنا عبدك قال موسى عليه السلام يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه آدم وموت آدم عليه السلام فقال أنت آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت موسى نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل قد سبق من الله عز وجل القضاء به قبل نزلت حديث أتلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل قبل بأربعين سنة قبل أن يخلقني ولا الحديث إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم هلال 1406 تفضل بارك الله فيك. Walaikum salam, quel est le sort, quel sort est réservé aux gens qui sont handicapés physiquement? Malformation importante, maladie très grave, des êtres humains qui ne sont pas comme les autres pour un musulman ou pour les non-musulmans. Franchement, ma soeur Hilal, j'ai pas compris la question. Yani, quel est le sort réservé, yani, demain, le jour du jugement dernier ou là, ici dans cette vie? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est possible, inshallah ta'ala, que tu formules d'une autre façon ou là que quelqu'un me dise ou là que quelqu'un prenne le micro et me dise qu'est-ce qu'elle veut dire la sœur Umm Hilal. Franchement, je n'ai pas compris. Dans l'akhira, naam, quel est le sort qui leur est réservé? Ils seront comme tous les musulmans. Naam, les gens handicapés. Par rapport à quoi? Par rapport au paradis ou là par rapport au jugement ou là par rapport à quoi? Voilà ce que je n'ai pas compris. Par rapport au azab ou là par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qui sont nés mal formés par rapport au jugement? Ma soeur, quand ils sont nés mal formés ou là? Non, ça n'a handicap physique. Voilà ce que je voulais dire. Si ça en est mal formé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quelqu'un qui est bossu ou là, quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui n'a pas de pied ou là, ça n'a pas d'importance. L'important c'est est-ce qu'il avait, yani, son mokh était avec lui, son cerveau, son esprit était avec lui, ou c'était quelqu'un de qui ne savait pas ce qu'il faisait, ce qu'il faisait, etc. C'est ça l'essentiel. S'il avait, car l'ibra c'est bil'aql. La base, c'est quoi? C'est d'avoir le cerveau et il sait ce qui se passe autour de lui. S'il sait ce qui se passe autour de lui, il est comme nous. C'est-à-dire, il doit faire ce que l'Azawajal a dit et éviter ce que l'Azawajal a dit de ne pas faire. Voilà, mais s'il jouit des facultés mentales, s'il jouit ses facultés mentales, il est comme nous à 100%. Sauf dans les choses où c'est difficile à lui de faire. Par exemple, il ne peut pas faire la prière debout, il a fait assez. Il ne peut pas faire le carême, il donne de l'argent à cause de cela, il ne peut pas faire, etc. Vu ses handicaps. Mais s'il a un handicap mental, de façon à ce qu'il ne savait pas ce qui se passait, ou bien un attardé mental ou là, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal lui enverra un prophète. lui enverra un prophète pour voir s'il va le suivre ou pas, comme je l'ai déjà expliqué une fois inshallah ta'ala, dans le hadith des quatre qui vont s'excuser le jour du jugement dernier. Wallahu ta'ala alam. C'est des épreuves aussi, bien sûr ce sont des épreuves. Il aura un grand ajr pour avoir accepté le qada de Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir patienté, car il a été quoi? Il a été privé de beaucoup de choses. Il a été privé de beaucoup de choses, peut-être. Il les a pas eues ou il les a pas fait à cause de quoi? À cause de son incapacité ou là, comment ça s'appelle. C'est pour ça que, d'un autre côté, Inch'Allah ta'ala, il aura un grand ajr. Car quiconque, l'Azhar lui donne un test pareil, il le rend handicapé, etc. C'est toujours en contrepartie, contre de grands ajr, s'il accepte le qada ou le qadar et s'il patiente, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Didier, tfaddal. Bon, Didier, je sais pas. Ah, salam, est-il vrai que 9 dixièmes du risque des musulmans se trouve dans la... C'est quoi la siraja? Une autre question, quels critères font... Pardon. Tijara, ah, tijara, d'accord. Tijara, naam. Siraja, tijara. Naam. J'aurais pas donc la question du risque des musulmans se trouve dans la tijara. Et une autre question, quels critères font qu'un musulman ait une bonne descendance familiale? Pour l'invitation, c'est quand tu veux, chef, je suis libre au mois d'août. D'accord, maintenant j'ai changé seulement. Il y a une invitation, mais c'est toi qui m'invites maintenant, j'ai changé. Bon, en ce qui concerne la tijara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, qui se trouve chez Cheikh Al-Albani aussi, il a dit Inna tujjar hum al-fujjar illa ma rahim Allah. Il a dit les tujjar, les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ce que Allah Azza wa Jalla a accepté. C'est pour ça que certains ont dit peut-être c'est 9 dixièmes. Quand quelqu'un, c'est un vrai musulman, c'est un vrai pratiquant, au contraire, la tijara, peut-être, elle va lui rapporter beaucoup d'argent, elle va lui rapporter ensuite avec cet argent, il va aider les pauvres, il va... Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu était un grand tajr. Abdurrahman ibn Awf était un grand tajr. Suhaib radiallahu ta'ala anhu jami'an, c'est un grand tajr. Mais, est-ce que ça dépend de qui? Qui c'est ce tajr? Qui c'est celui-là qui va faire la tijara? Si c'est quelqu'un de moyen ou de faible, il ne lui est pas conseillé de rentrer dans la tijara. Car le prophète a dit Inna tujjar hum al-fujjar. Les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ceux que Allah Azza wa Jalla a accepté. Yani, c'est tellement difficile. Voilà ce que ça veut dire, yani, 9 dixièmes. Parce que c'est dangereux, on va mentir, on va cacher la horde, hein. On va vendre une voiture. On sait qu'elle a un problème dans telle chose. On va jurer par Allah qu'elle n'a aucun problème. Je jure par Allah que ma voiture n'a aucun problème. Ensuite, l'autre, il la prend, il roule une semaine, il trouve que yani, elle fait sortir une grande fumée et qu'il y avait quelque chose qui brûlait à l'intérieur, etc. Donc, c'est pour ça que les commerçants, la plupart, ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, même bien sûr s'ils sont musulmans. Ensuite, tu as dit, quels critères font qu'un musulman ait une bonne descendance familiale? Ça, je ne comprends pas bien la question. Quels critères font qu'un musulman ait une bonne descendance familiale? En islam, ça ne compte pas beaucoup la descendance. En islam, c'est pas comme les chiites. Les chiites, hein, ils te disent, nous, on descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont mettre un turban sur leur tête, et on descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. si vous descendiez de lui, je ne vois pas pourquoi vous le détestez. Je ne vois pas pourquoi vous insultez sa femme et vous dites qu'elle a fait la zina. La descendance n'a pas beaucoup d'importance en islam. Je peux descendre de parents et grands-parents et aïeuls, ils sont tous des bouddhistes de l'Inde qui adorent les statues, et je serai mieux et plus, j'ai une grande place, plus grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a tous les parents qui étaient musulmans. Voilà ce que je veux dire. Naam, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je viens de dire un bouddhiste qui rentre en islam et qui est très sincère avec Allah Azza wa Jalla et qui fait beaucoup d'adoration est mieux qu'un musulman qui a tous les pères et tous les grands-pères musulmans et qui lui fait les grands péchés, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Umar Abdelrahman, tafaddali. Non, Didier, t'as fait mal, moi je t'ai pas bien compris. Est-ce que tu trouves que c'était pas ma réponse? Si ce n'est pas ma réponse, c'est que j'ai pas bien compris ta question. Si la réponse ne t'a pas convaincu, c'est que je n'ai pas bien compris ta question. Ah, plus haut, c'est pas qui sont les crises, mal les chiens. J'ai reformulé ma question. Khadim Chouf, c'est là écrit Zanjabilan. Des causes pour avoir une bonne descendance, je crois qu'il demande. Des causes pour avoir une bonne descendance. Bon. Allah, on a chouf, non. Moi je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. Inch'Allah ta'ala. Jazakallahu khair, Akhidib. Jazakallahu khair. Maintenant je viens de bien sûr bousser quelqu'un, vous voyez. Je voudrais demander, sans oublier, ça je voulais dire tout à l'heure, je l'ai oublié. Je voudrais demander à chaque sœur, surtout la sœur, à chaque sœur, de fermer au maximum ses PV, c'est-à-dire premièrement. Et deuxièmement, je ne permets à aucune sœur qui est entre nous ici. Si jamais quelqu'un elle oublie ses PV ou elle le laisse ouvert, si jamais quelqu'un lui dit quelque chose qui est un lien pour lui ou là, et de ne pas me le dire. Et de ne pas me le dire. Ah, jazakallah, sakina, jazakallah, naam. Comme cet imbécile qui était avec nous, moi je n'ai pas vu bien sûr qu'il était dans la salle. J'ai pas vu qu'il était dans la salle. C'est pour ça que on a toujours besoin de deux ou trois admins dans la salle. Pour savoir ce qui est en train de se passer. Malish, Oubda Abdelrahman, je ne sais pas si tu as posé ta question. Tafaddali, Oubda Abdelrahman. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a des points rouges. Hein. Sinon, je ne sais pas ce qu'on aurait entendu. Vous voyez ma question? Non, je ne la vois pas. Omar Abdelrahman, je ne vois pas la question. Là, je ne la vois pas. Non, peut-être qu'elle est longue. Essayez de la couper, Inch'Allah Ta'ala. Essayez de la couper, Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Omar Rahman, salam alaikum. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un programme, Inch'Allah. Pouvez-vous nous expliquer comment ça va se passer au programme et vous nous expliquer pourquoi, parfois, nos doigts ne sont pas exaucés. Et connaissez-vous des choses qui facilitent l'accouchement? Naam, en ce qui concerne le programme, donc comment ça va se passer? Naam, le programme, Inch'Allah ta'ala, j'ai dit que il y a, Inch'Allah, certains frères qui se sont. Qui m'ont contacté et qui voudraient, Inch'Allah ta'ala, en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son din, pour propager, Inch'Allah, le ilm et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voudraient nous dédier comme ça un site. Dans ce site, Inch'Allah ta'ala, quand il sera pris très bientôt, peut-être 2-3 jours, je ne sais pas, tu trouveras, Inch'Allah ta'ala, je vais vous donner l'adresse du site, par exemple, Ibn Taymiyyah, je ne sais pas quoi. Quand vous rentrerez là-bas, Inch'Allah ta'ala, tu trouveras tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu trouveras par exemple le programme. Lundi on a ceci, mardi on a ceci, mercredi on a ceci, les horaires, etc. Les jours où je suis absent, etc. Les contrôles, les corrections des contrôles, mon parcours personnel, les questions qui m'envoient pour que je réponde, les réponses là-bas, etc. Ce sera un lien entre vous et moi, Inch'Allah ta'ala. Yani avant de rentrer dans ma salle, pour rentrer d'abord dans le site, voir yani, est-ce que j'ai pas laissé un message, est-ce que je suis absent, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce que je sais pas quoi. Avant de rentrer dans la salle, vous rentrez d'abord là-bas, vous voyez ce qu'il y a ensuite, pour rentrer, Inch'Allah ta'ala, dans la salle, si c'est écrit que il n'existe pas encore, Inch'Allah, il va exister. Inch'Allah ta'ala, il va exister. En ce qui concerne les doigts, des fois ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que pour que Allah Azza wa Jalla existe les doigts, pour que Allah exauce les doigts, il y a des conditions. Parmi les conditions, ou bien la condition la plus valable, ou bien la plus importante, c'est de manger le halal, boire le halal et s'habiller en halal. Quelqu'un, par exemple, qui travaille dans les banques où il y a la riba, par exemple, les intérêts, il va manger avec cet intérêt, il va acheter de la viande, des fruits, etc. Il mange, celui-là, qu'il fasse des doigts 100 par jour, ils ne vont pas être exaucés. La même chose, il va s'habiller avec des vêtements, acheter avec de l'argent, qui est haram. Il a un bar et il vend de la bière, ensuite il va acheter des vêtements, etc. Cela, il peut faire des milliers de doigts, ce n'est pas accepté. Donc, s'habiller en haram, manger en haram, etc. Tout ça, ça ne laisse pas le doigt s'exaucer. Ensuite, il y a aussi le doigt doit être un doigt où il n'y a pas d'injustice. Si tu fais un doigt qui est injuste, Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas. Ou bien tu demandes un doigt que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Par exemple, tu demandes que Allah Azza wa Jalla te donne des ailes pour voler. Ça ne se fait pas, il ne l'a jamais donné ni à un prophète ni à quiconque. Il l'a donné aux anges. Pourquoi tu fais ce genre de doigt? Tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse de toi quelqu'un qui connaisse l'avenir. Il ne va pas t'accepter. L'avenir, seul Allah le connaît. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla dans un doigt de faire de sorte que tu ne meurs pas. Allah Azza wa Jalla te dit non. Kullu nafsin da'iqatul maut. Chacun doit mourir. Tu vas demander à Allah Azza wa Jalla dans un doigt de te donner des enfants alors que tu n'as pas l'intention de te marier. Ça veut dire, comme ça, ils vont venir. Tu vas dormir la nuit, tu te réveilles le matin, il y a le bébé entre tes bras. Ça ne se fait pas. Il faut que les deux se rencontrent. Sexe féminin, sexe masculin. Sinon, il n'y a pas d'enfant, etc. Pour que les doigts soient acceptés, il y a bien sûr d'autres conditions. Inch'Allah ta'ala, elles viendront lorsqu'on parlera avec détail, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, c'est écrit. Non. Il envoie où dans la salle ou la. Sauf qu'il faut bien fermer les PV. Hein. Il faut bien fermer les PV. Parce qu'il y a des gens ici qui rentrent et qui envoient des liens. Hein. Ils envoient des liens, ceci, cela. Fermez vos PV, Barthol. Même les hommes doivent fermer leurs PV. Ils envoient des liens de qui n'ont rien à voir avec la sunna, etc. C'est pour aller égarer les gens, l'ayadou billah. Ensuite, j'ai dit que. Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad a dit que quand une femme a des difficultés d'accoucher, qu'elle pouvait, yani, il a cité le verset, ça je l'ai oublié, il a dit qu'elle pouvait par exemple le lire dans un peu d'eau et s'essuyer avec le ventre, etc. Certaines le font, certaines ne le font pas, mais tu peux revenir à Zayd al-Ma'ad où il parle de cette chose-là, quand il parle de l'accouchement de la femme, quand il devient difficile. Wallahu ta'ala a'lam. Frère S. A. Tafadlal. Une personne m'a demandé le dalil concernant le salam, c'est-à-dire le dalil se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, où il est dit où il a ajouté dans un hadith que c'est dit que le prophète alayhi sallam a dit wa maghfiratuhu. Bien sûr, ceux qui disent qu'on ne prend pas ce hadith disent que c'est un hadith daif. Pour eux, s'il est daif, il est daif. Qui ne disent pas, on marche la tour. Pour celui qui est convaincu que ce hadith n'est pas daif, comme a dit Cheikh Al-Albani, il n'est pas daif. Pour ceux qui ont lu cela et sont convaincus, qu'ils le disent, Inch'Allah Ta'ala. Donc le hadith se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani. Je ne connais pas exactement quelle page ou là, mais s'il veut, Inch'Allah Ta'ala, après une demi-heure ou l'inshallah ta'ala, je le lui dirai. D'ailleurs, je vais chercher maintenant en même temps que je vous parle. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuhu wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Maghfiratuhu. Je vais dire où il se trouve dans le monde. Nam, tu cherches ça? C'est écrit dans, ici dans un hadith, c'est écrit dans le hadith numéro 300, page 3, tome 1, page 346, Sahih al-Adab al-Mufrad. Tome 1, page 346, Sahih al-Adab al-Mufrad. C'est écrit « Kana Kharija ibn Zayd wa Thabit yaktub ala kitab Zayd ida sallama qal assalamu alayka ya amir al-mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh maghfiratuh. Assalamu alayka ya amir al-mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. » Ça, j'ai trouvé maintenant, inchallah, très vite. Frère S.A. Et tout ça, on me demande la question suivante. Cheikh Ibn Baz a kafir 4 gouverneurs. L'ancien roi du Maroc, l'ancien président de la Tunisie, le président de la Syrie et Saddam Hussein. Est-ce que vrai? Les trois autres, je ne sais pas. Saddam Hussein, certes, je l'ai lu de mes yeux. Les trois autres, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Certes, Saddam Hussein, je l'ai lu de mes yeux. Les trois autres gouverneurs, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Wallahu ta'ala ta'alam. Un livre, je ne sais pas, il y avait une fatwa où on lui a demandé de Saddam, il a dit ceci, cela. Mais les autres, je n'ai jamais lu. Je demande à quelqu'un qui est devant moi ici une seconde. Voilà, je ne sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas. Je connais seulement sur Saddam, Inch'Allah Ta'ala. Abu Abdurrahman, ta femme. Comme salam, ça pouvez-vous nous donner comme conseil à des gens qui fréquentent les banques, soi-disant banques d'islam, et quel est le délit prouvant c'est interdit? Hayakallah, Cheikh, wa jazakallah khairan. Allah hayik wa jazakallah khairan, anta aidan. En ce qui concerne les banques islamiques ou là, qui se disent islamiques ou là, je n'ai aucune idée. Le jawab fara'an tasawwur. Et tant que je ne sais pas dans cette banque ce qu'il y a exactement, je ne peux pas répondre. Et bien sûr, en principe, ça, c'est du ressort, Inch'Allah Ta'ala, c'est du ressort des ulama. Ce sont les gros, grands ulama qui demandent aux banques de leur envoyer la façon dont ils travaillent, etc. Et de là, on sait si cette banque est, travaille avec elle ou la déposer de l'argent en elle. C'est haram, c'est pas haram. Ou comme ça, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les banques et chaque banque différencier de l'autre. Si Inch'Allah Ta'ala, je peux vous renseigner, Inch'Allah Ta'ala, n'jib le khabar, Inch'Allah Ta'ala. Mes questions, tafaddal, tawakkal Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que la femme qui est en travail pour l'accouchement doit prier ou rattraper ses salats après les logis? La femme qui est en travail, ça veut dire qu'elle travaille pour l'accouchement, doit prier ou rattraper ses salats après les logis? Ça, je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu parles du travail ou là tu parles d'une femme qui a des problèmes parce que il y a beaucoup de choses qui sortent d'elle juste avant l'accouchement? Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Mais moi, je suis en train. Salam alaykoum wa rahmatullah. Elle fait ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Barakallahu fikoum. Je me suis déconnecté. Tayyib, je disais que. Naam. Sans oublier, je vais écrire Hada Admin Cher. Hada Admin Cher. Je vais écrire quelque chose ici. Ce que j'ai écrit ici, c'est le mot Hada. Admin Cher Hada. Vous le copiez et vous ouvrez Google. Hada, Google. Quand vous ouvrez la page de Google, vous le mettez à l'intérieur. Ensuite, cherchez. Il va chercher. Non, c'est pour les pubs. Ça. Tu écris Admin Cher dans Google. Il va chercher. Il va te sortir une page où c'est écrit. Download, yani pour descendre Hada, pour descendre Hada, le programme Hada Admin Cher. Quand tu le descends, après l'avoir descendu dans ton lahot, tu choisis où le descendre. Pour le trouver, tu choisis par exemple desktop Hada, pour que tu le vois devant toi sur l'écran. Ensuite, quand tu le choisis, après l'avoir descendu sur le tableau Hada, sur le desktop Hada, qu'est-ce que tu fais? Si tu as une petite télévision en bleu, c'est top. Tu cliques une deuxième fois sur elle, il va te faire descendre un programme qui va t'enlever toutes les publicités, Inch'Allah Ta'ala. Et seulement après avoir fermé le partout, après l'avoir ouvert, Inch'Allah Ta'ala. Donc je réexplique, Admin Cher, tu ouvres Google, à l'intérieur de Google, tu écris Admin Cher et cherche. Il va t'ouvrir une page, dans la page, tu vas faire descendre le Admin Cher, et comment on dit faire descendre un programme? On dit. Moi qu'on dit, bon, on va aller aux frères et aux sœurs, naam. Ensuite, quand il. Ah voilà, télécharger, barclof, l'exécuter, naam. Donc, après t'avoir ouvert Google, tu fais descendre, Inch'Allah Ta'ala, tu choisis un endroit, tu choisis par exemple le desktop. Quand il est sur le desktop, tu le fais encore télécharger une deuxième fois sur l'ordinateur, et tu fermes et tu ressors, Inch'Allah Ta'ala, il te donne la route. En ce qui concerne le frère, je ne sais pas, Allah, pour l'instant, il n'a jamais été payant. Je ne sais pas, Allah Ta'ala. En ce qui concerne le frère qui avait posé la question, en ce qui concerne les femmes, la femme qui allait accoucher, une femme, à partir du moment où elle a les logis qui commencent à peu près 2 ou 3 jours après, avant l'accouchement, celle-là, elle ne fait plus la prière. Est-ce que la femme qui est en train d'accoucher fait sur des os, doit prier ou rattraper son âme, qu'elle n'a pas pris pendant l'accouchement ou pendant l'accouchement? J'ai pas compris ce que ça veut dire fissure de l'eau. Hein. Déjà, j'ai pas compris ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau ou la fiffache. J'ai pas compris que ça fissure des os. J'ai pas compris. Je veux dire que elle perd les os. Je veux dire qu'une femme, elle sait que. Elle est rentrée dans. Elle a rempli la poche des os, c'est sur la poche des os. Pardon. Je ne sais pas exactement ça, qu'est-ce que ça veut dire. Si c'était en arabe, peut-être que j'aurais compris. En français, c'est la première fois que j'entends parler que sur de la poche des os. Je ne sais pas. Je veux te dire que les ulama ont dit, quand la femme commence à avoir du sang qui coule par éjection, comme ça, il est éjecté. C'est pas du sang qui coule avec un normal. Il est éjecté. Naam. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans les logis. Elle est rentrée dans Nifes. Quand elle est rentrée dans le Nifes, elle ne fait plus la salat, bien sûr, et elle ne rattrape pas la salat. Elle ne fait ni la salat, ni elle la rattrape si elle est rentrée dans les logiques, ça y est. Mais elle ne doit pas dépasser 40 jours. Si après avoir accouché, elle se purifie en une semaine ou là, 10 jours ou là, elle voit qu'il y a le liquide blanc qui est sorti, pour celles qui ont le liquide, là, elle est purifiée, elle commence à faire la salade. Si elle, elle voit toujours du sang, toujours des choses, elle attend maximum 40e jour, il n'y a pas plus de 40 jours. Le 40e jour, elle doit commencer, Inch'Allah, se laver et commencer la prière, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne, salam, wa barakatou. En ce qui concerne, qu'est-ce qui est la deuxième question aussi? En ce qui concerne, est-ce que le gaz retenu quand tu sors doucement? Tu sors doucement pour Naam, le gaz dont tu viens de parler, Akhi Karim, hein, si tu le retiens pour qu'il ne sorte rien, tu le retiens, ta prière est juste, tu n'as rien fait. Mais maintenant, si tu le laisses sortir, même s'il n'y a ni odeur, ni sang, mais tu l'as laissé sortir, même si toi tu n'as rien senti, mais tu n'as rien senti, mais tu as senti qu'il est sorti, ça, les ablutions ont été annulées. Donc, si tu retiens, rien ne sort. Alhamdoulilah. Maintenant, si tu ne peux pas te retenir, il y a une petite chose qui sort, tu sens qu'elle est vraiment sortie, ta prière est annulée, tu dois faire refaire, Inch'Allah Ta'ala, les ablutions. Je suis en train de vérifier quelque chose pour lui. Par contre, je suis en train de faire une petite réflexion pour lui. Mais ça va fonctionner le lien. Voilà, il voulait que. Si tu peux poser le lien sur la fiche, Wassim, tu peux pas le copier ici. Tu peux poser le lien directement sur la salle. Eric, tu peux poser directement le lien sur la salle. Car, bon, attends, je t'enlève le point rouge. Tu poses le lien sur la salle. Si pour rattraper les salats, alors j'ai dit que on ne rattrape pas la salade quand on classe, on a commencé le nifes. Avant le nifes, il y a quelque chose qui coule, quelque chose qui s'arrête, les moments elles coulent. Tu arrêtes, les moments elles s'arrêtent, tu fais la salade, et quand il commence à sortir par éjection, ça veut dire que là, ça ne va plus s'arrêter. Ça suit directement, c'est attaché avec l'accouchement. À partir de là, elle ne fait plus la prière et elle ne rattrape pas. Il parle des gaz, je crois. Est-ce qu'il faut faire tout bas? Je parle de la deuxième question. La deuxième question, si tu ne savais pas, ce sont des choses, ça s'est passé il y a longtemps, tu les répètes pas et tu ne savais pas. Pardonne à celui qui ne savait pas, mais si par exemple ça s'est passé seulement aujourd'hui, et tu peux refaire par exemple la salade si tu as fait cette chose aujourd'hui. Si ça fait un bon bout de temps que tu fais cela, tu répètes pas les salats, mais Inch'Allah pour la prochaine fois, tu dois te retenir et ne plus refaire ces choses, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, il est déjà 2h15, j'ai beaucoup de choses à faire, même j'ai des choses maintenant à faire avec la famille, etc. Je dois m'excuser si j'arrête là. Demain, Inch'Allah Ta'ala, je commencerai par Palestinien 8. Je m'excuse de lui et de Warda Muslima Mohamed 054 Riyad Muslim Kuala Suleiman, tout cela. Je m'excuse Inch'Allah Ta'ala. Mais j'ai des choses à faire Inch'Allah Ta'ala. Je vous laisse Inch'Allah Ta'ala. On se rencontre demain à 22h Inch'Allah Ta'ala européenne. 22h Inch'Allah Ta'ala européenne. Demain Inch'Allah Ta'ala, on va faire un dars aqida important parce qu'il sera dans la aqida Inch'Allah Ta'ala. Jusqu'à ce qu'on se rencontre demain Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك